En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 113 de la saison 2023-2024 de la soirée du podcast. Oh yeah! Feutré comme ça. Copyright en partant le show. L'alignement de départ pour le podcast d'après de moi, ce soir. D'après moi, il n'y a plus de droit là-dessus. Ça doit être trop vieux. Alors, ils nous flaguent, mais ils prennent pas de rien. Genre, ils disent « On vous flague, mais c'est correct. » Sur comme... ce tune-là? Oh, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, wow. Donc, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Yes! Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, Jeff Mallette. Et le numéro 75, votre animateur, Jeff Coon. Solo! Solos! Voilà! Ah, pendant qu'on checkait ça, comment ça va couper sec, les gars. No fade out. Pas de fade out, pas de Patreon, pas de commandite. On start le show. On start, on est clair aux commandites. Je suis même pas sûr qu'il reste des fans. Monseigneur Neveu. Nos seuls auditeurs sont devenus les hardcore là, de. Ouais, ben c'est le gars de chip de Rétro Nouveau, Monseigneur nice. Neveu de Laverlechère. Ouais, on a un commandite de gars de chip. Nice. De chip. Des Doritos. Nice. Ouais, apporte-toi des Dorites du studio, c'est, j'aurais pas le choix. donc, JF, bienvenue, t'as manqué toute la saison. Quasiment, oui. C'est-à-dire deux épisodes. Hein, c'est le retour, on est quoi, rendu à 58 matchs, hein? 50. C'est toi qui as les stats, là. On te fige juste sur toi, là. On a rien. Quand t'es là, on peut faire. C'est job, man. Ouais, nous autres, on a plus d'opinions que de savoir, là, en fait, là, tu sais. I'm back. Ah, fait que Jeff de retour. Moi, j'ai manqué une coupe et tout. Il manquait un. Manquait un. Avec Nick. T'as manqué avec la recrue, Nick. J'ai manqué 50 matchs. Voilà, donc t'as tous les stats, là, pendant qu'on est là. Première période, déjà, qui commence comme ça. À brûle pour points. Les stats, c'est genre, mettons, on est où, on est quand, on est combien? Merci pour le commentaire. On est le 9. L'intro est solide. Fait qu'on est 24e dans la ligue avec un gros 50 points. 50 points, 50 games. On joue pour 500. 21 victoires, 21 défaites. 8 défaites en prolongation. C'est inacceptable, tu joues pour 500. Faut jouer en bas de 500. Présentement, dans le wildcard, on se trouve en 7e. Une position. Donc, je pense qu'on fera pas les séries, mais on est encore beaucoup trop haut pour un bon pic. Ouais. Donc, téléphone. Ça y est. Les pareils appellent. Tu peux faire ton micro. Si tu veux répondre, tu peux aller là-bas aussi, ou tu peux répondre en onde. Là. Réponds en onde, on va tout t'entendre. C'est bon, ce show-là. Ce show-là est très rodé tout le temps et très, très tight. Anyway, là. Ouais, papa. Ouais, maman. Ouais, maman. T'as en train de faire un podcast. Excuse-moi, parce que je pense sur Internet. Je sais même pas si on va faire des périodes, en fait. Là, mais ouais, tight show. On est très, très tight pour le podcast. Ça a toujours été tight comme ça. On peut conseiller nos plus et nos moins, là, dans le fond, de où est-ce qu'on est rendu. On voulait pas faire... Ouais, OK. Mais je vais pas passer à tous les shows, tous les épisodes, tous les matchs qu'il y a eu. Tous les matchs depuis le début. Toutes les matchs. Un extrait vidéo par match, let's go. Toutes les buts. Show de 8 heures. Toutes les buts refusés, toutes les pénalités. Ça finit plus, ce show-là. On a chaud reçu, on veut prendre une douche. Genre. Au plus, au moins. C'est... On ira dans la douche qu'on dort. Je vais même pas écouter le hockey. Je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. T'en as-tu écouté un peu? Oui. J'écoute souvent. Je l'écoute pas tout au complet, souvent. T'as une écoute? D'écouter des games. Ouais, ben ça, tu sais, j'écoute une partie game. Des fois, j'écoute au complet. Ben, c'est parce que Chris, on compte quand c'est pas le temps. On perd en prolongation au lieu de perdre comme du monde, si. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a pas de 8 victoires en prolongation? 8 défaites, excuse. Ça, c'est. Allez, les 8 points, là, on est dans les 3 derniers. Merci, Samuel. C'est la faute à Motambo. Le style de Belle-Blonde. Hey, Motambo est en feu, man. Motambo est une Belle-Blonde? Ouais, Belle-Blonde. Yes. On serait effectivement au même niveau que les Blue Jackets. Ouais. C'est-à-dire 29e. Ouais, dans le chat, on dit aussi assidu que Kucherov au All-Star Game. Tantôt, on va en reparler ça. Ouais. Avec audio à l'appui de ce qui s'est passé. On se regarde ça pour tantôt. Quel trou là. Vraiment un tout croche. C'est dirt. C'est là que tu vois que genre la conférence de presse en chess est à moitié chaud. Je peux pas, on dirait, apprécier le talent d'un joueur de même. Un vrai colon. On dirait que son talent est tout effacé par son hostile attitude. J'avais entendu un raciste né, j'étais comme peut-être. Ah, c'est sûr qu'il n'est un, Chris, il nous a niaisé. On va faire nos plus et nos moins, alors. Ben, allons-y. Fait que tout le monde donne le plus à Sergachev, j'imagine. Pas Sergachev, Sergachev. Et pour sa blessure. Pour sa blessure. Slavkovski, évidemment. Slavkovski. Ben, c'est sûr. Tout le monde qui pensait à lui, Caulfield est revenu correct. Tout le monde qui ont chié dessus, là. Puis je parle pas de Vince McMahon, là, je parle vraiment des fans qui ont chié sur Slafkovski. Ben, tu sais, Struble. Très bien. Struble, oui. Je suis impressionné, moi. Mais oui, on pourrait le donner. Ben, Slafkovski, c'est sûr que. Slav, tu vois qu'il ben, y a une belle progression. Il y a une belle progression, là, depuis. 14 points dans les 19 derniers games. J'allais dire dans les dernières 20 games. Là, ça a paru en crise, là, le progrès. Puis, il commence tranquillement à ressembler à un choix de première ronde. Et voilà. Tranquillement. Moi, c'est ce que j'aime. On n'en fera pas lui. Un Connor McDavid, mais ça sent. Mais ça jamais été ça non plus. Non, mais ça va être un McKinnon. Non, quand on l'a repêché, là, tu sais, je l'ai dit au premier épisode, j'étais en tabarnak. Ben là, tu sais, moi, je me dis, OK, gars. Comparé à l'autre, là, il fait quoi, l'autre? Shane Wright, ouais. Je pense qu'il y a de la misère à produire dans la Ligue américaine. Mais Slafkovski, exactement. Là... Moi, dans ma tête, je me dis, si, dans le meilleur des mondes, c'est le prochain Jagger, mais tu sais, j'exagérais. C'est-tu ton ego? Non, pas encore, parce que je pense pas que ça va être le gars d'un point par match, mais je pense que c'est le genre de gars que tu vas aimer en série. Un John Leclerc. Ça, il est gros quand même. Dans le temps des Flyers. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis même, je dirais, pour Caulfield, tout le monde disait que Caulfield, ça va pas bien cette année. Mais Chris, il y a quasiment un point par match dans les 13 derniers games. C'est vrai qu'en temps régulier puis en power play, tout ça, c'est un peu tough. Là. 5 contre 5, il y a vraiment de la misère. Là. Ouais, ça ne produisait pas, là, mais c'est parti. C'est reparti parce que je me dis, c'est comme un peu l'effet Viagra. Il manie bien son bâton depuis quelques matchs. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'il y a Mané, il avait compté quasiment un but en 5 games de suite. Yeah. Puis même Suzuki. Suzuki, il joue bien, mais par contre, je trouve pas que c'est encore un centre numéro un. Un gars sur 75 points, hein, ça me rappelle les années de Koivu, Plekanec, où qu'on a mangé du caca pour déjeuner pendant plusieurs années dans l'ère Gauthier et l'ère. Puis là, on vient d'en faire en plus notre capitaine. Ben, tu sais, ça change rien. Mais c'est les joueurs c'est-tu les joueurs qui ont choisi, Zinic? Non, hein? Non, je pense pas. On est sorti de cette tradition. Ça n'a pas été clair, me semble. On sait pas. C'est du non-dit, ça. On dit 32 points en 41 games pour Wright. Voilà. Dans la Ligue américaine, il faut le préciser, par exemple. Oui. Ouais. En 32 points, 41 games. Bon. C'est pathétique pour un first pick. Il regarde. Il devrait faire 84 points en 42 games. C'est quand même des joueurs. C'est quand même des Ouais, ben tu sais. Non, mais Malette, sinon, moins j'aimerais 5, ça, peut-être, donner une belle petite mention à ton préféré. Pas Motambo. Ben oui. Ouais, ouais. Comme dans le chat, on dit. Faudrait donner un petit peu. Motambo, man. Mais mon seigneur neveu a raison. Lui, c'est notre. Il a dit ça? Oui, il a dit Montembeau. Ouais, ouais. Montembeau. Non, mais c'est vrai que pour de vrai. Moi, je pense que Montembeau, là. Il est bon, man. Il est pas mal meilleur qu'on pouvait se l'imaginer. Ouais, ouais. Je comprends ton grand désarroi. Parce que j'admets qu'il joue bien. Bon. Ouais. Donc, je pense que Montembeau peut être un gardien numéro 1 dans une équipe. Pense qu'il nous a ben, tu vois, hier. Ça ne sera peut-être pas le plus hot des gardiens numéro 1 de la ligue. C'est un Christophe Allouez. Non, moi je le comparerais Je le mettrais peut-être mieux, moi. Moi je le comparerais à Jarry de Pittsburgh. Jarry, non, mais mettons, des goalers à Montréal, là, c'est clairement pas José Théodore quand il a gagné le MVP. Ouais, mais ça c'était une Mais Théodore, là, il y a eu des. Mais en même temps, c'est trop dur de le dire pour Montembeau présentement parce que je pense que ça fait pas assez longtemps. Mais je pense qu'il est sur une bonne curve de il y a une belle progression lui aussi. C'est ça l'affaire. Je pense qu'à son âge, il est en plein dans le moment où il peut juste s'améliorer. Mais tu sais quel âge pour le fun? Il y a genre 27, 28. Je trouve ça vieux, moi. Non, un gros là, 30 ans, c'est comme son top. Ouais, à Montréal, 30 ans, c'est le pic du goal. On est habitué à avoir des bons goalers. Tu as 27, 28? Oui, c'est ou 26? Ça. À peu près 275 livres. Là. Mais c'est pas grave, ça. Tant qu'il non, mais il a perdu du poids. Là. Ah. Tant qu'il fluide, c'est il mange patins. Du sang gluten. Mais tu sais, Motambeau, là. Hier, parce qu'on a eu des super bons goalers très jeunes, très longtemps. On a été gâtés devant le filet. On a eu Roy, on a eu Carey. Puis après ça, tu sais, on a eu un peu de marne entre Théo deux, sur le Propecia. Ben oui. Après ça, on a eu comme Thibault, Ron Tognot. Je l'aimais Ron Tognot parce qu'il avait mis jouer le même style. C'est qui avait remplacé c'est Price, ça. Peut-être là, que je dirais que... Quand il s'était blessé avec Kreider, là. Comment il s'appelait, là? Tokarski. Tokarski. Le Tokar. Dustin. Dustin Tokarski. Tokarski. Je pense qu'il est goaler à Saint-Louis. Il joue encore dans la Ligue. Il ne joue pas dans la Ligue. Tu sais, même je pourrais dire peut-être que... Motambo, c'est comme un peu aussi un genre de Jeff Hackett pour nous autres. Je le vois pas plus haut que ça. Ah non, je vois plus ça. On parle de Hackett dans le chat d'ailleurs. Hackett, ouais. Puis on demande d'ailleurs, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un Québécois dans chaque position, un avant, un def, un goaler? Ben... Faudrait poser la question à Louis. Non, mais d'attendre qu'on avait toute la tendresse, tout ça, je pense. Tender avec ses. Ben non, parce que c'est le Québécois d'avant le net. Ouais. C'est quand José Théodore est parti, c'était avant la tendresse? José Théodore, ouais. Il est parti. Bonne question. Tu as demandé à Chet. Je te dirais 2006. Ben, tu sais, je dis Gauleux Québécois. Gauleux Québécois avant Montembeau, c'était. C'était loin. Parce que t'avais Théo. C'était Théo. C'était Théo. À l'attaque, t'avais Ribeiro. C'était ouais. Kido qui faisait de la drogue, est-ce que... À défense. Ça dépend, là, dans ces années-là, il en faisait pas mal. Non, parce beaucoup. Que ça fait longtemps. Ah. Bouillon était pas là. Ouais, demande à Chad GPT. Ouais, je me disais ça. Hey, il est tout croche, Chad GPT. Il demande pas ça. C'est pas d'intelligence. Il est pas tout croche. Ouais. Tu payes pour la bonne version. J'ai demandé quelle équipe a gagné le plus de championnats. Il a jamais dit. C'est juste quelle version 3.5 ou 4. Ouais, non, pas la dernière. Pas sur Bet 99. C'est pas grave, en 2022, de recevoir ça. Ouais, ça dépend. À quelle année, quoi. Pas essayer de parler des gars. C'est ça, je l'ai racheté sur Motambo. Ouais, vas-y. Hier, là, pendant que j'étais en train de faire du jogging, là, le CAF qui n'a pas de cheveux là, au 5 à 7, là, il a commencé à poser la question à Motambo pour dire Motambo. Dans le fond, là, parce que hier, il y avait comme un événement pour les enfants malades, puis c'était Koivu, pas Koivu, mais Suzuki qui faisait l'événement. Là, il s'est fait demander quand est-ce qu'il devait avoir des enfants. Là. Non, il s'est fait demander, genre, tu sais, comme. Ah oui, on se parle d'une question. C'est une question merde. Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que vous allez faire des enfants? Mais... Fait que là, il a dit, ah, tu sais, là, vu que ça va bien, il dit, tu pourrais être gardien de but pour l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, là. Hey, je te dis, j'ai failli pogner une débarque. Hey, si moi, Tambo, il est top 3 d'un golo Canada, là, on serait dans la merde. Puis mon nettoyeur, il m'a justement dit. Oh my God, here we go. J'ai posé la question parce que c'est mon gars du junior. À ton nettoyeur, moi, je vais juste pick up. Il m'a dit qu'il y avait un début de Parkinson. Aujourd'hui, j'étais triste. Mais là. Ça va être la vue de crush. Juste aujourd'hui. Les pantalons vont être tous pissés. C'était une mauvaise journée. Au lieu de payer ma chemise 4 piastres, j'ai payé 400. Mais là. Il me disait, Jean-François, il dit au Canada, il n'y a pas de temps. T'appelles Jean-François? Non, non, mais aujourd'hui, là. C'est quoi? Hill? Ouais, il y a Hill. Adam Hill, c'est un Canadien. Ouais. Je sais, il fait partie des discussions. Il va être probablement d'un choix. Mais le seul nom qui m'est venu en tête, c'était Devin Levy. À Buffalo, qui n'est même pas encore. Non, il y a le gardien des Oilers. Ouais, t'as Skinner. Jack Campbell. Non, Skinner. Skinner. T'as Skinner, t'as Hill. Puis là, t'en avais un autre que. J'ai vu la. Hey, ça fait pitié à tabarnak quand on le troisième, c'est où fort que Hill, c'est pas pire, là. Il est quand même pas mauvais. C'est celui qui était devant le filet quand Vegas a gagné la coupe. Je l'écoutais pas, mais j'étais en crise. Ouais, c'était lui. OK. Fait que tu sais, c'est pas un mauvais gardien, mais tu sais, je veux dire. Une chance qu'on a crissement gros de punch en attaque et en défense parce que dans les buts, c'est pas notre force. Pas... Sauf que le problème, c'est que les États-Unis, man, ils ont du punch partout. Ils ont Hellebuck, ils ont Thatcher, Demko. Hellebuck, Buick. 3 avril 1995 contre. La réponse à la question concours, la dernière fois qu'on a eu droit à un Québécois dans chaque position, la réponse est on s'en calisse. C'est 3 avril 1995 contre Hartford. Wow. Les Whalers! Qu'on a eu un trio dans toutes les positions. Ouais, en avant, en arrière. À l'attaque, à la défense. C'est Théo, dans le temps de Théo. 95. Ben non, c'est Jocelyn Thibault. C'est Jocelyn Thibault. Ben c'est soit Roy ou Thibault. Là, mais non, c'est Roy, il est parti en 95. Ouais, parce que dans le vent, t'avais des Danfous, t'avais des Turgeons. Puis t'avais Brisebois. Brisebois, Danfous, c'est des Thibault. C'était Thibault. C'est ça. Thibault parce qu'il était parti. Un Thibault, deux Thibault, trois Thibault. Ouais, parce que le 3-ville, Roy était déjà parti. Ah non, il est parti en 96. Il est parti en 95, il me semble. On peut gagner la coupe. Avec le beau bleuet. On a gagné en 96 la coupe. Fait qu'il est parti. Il était je ne sais pas. Ben, c'est parti en 96. Je ne veux pas le savoir. On se rendra pas. Non, on ne parle pas de ça ici. C'est défaut. On ne parle pas de cette époque. C'est des mauvais souvenirs. Non! Don't bring it back. Il s'est fait échanger la fin de semaine que GoldenEye est sorti au cinéma. Le pire, c'est que c'est vrai, je suis allé le voir. Tu t'en rappelles. Je suis allé voir au cinéma, t'es comme. C'est ton référent. Ben ouais. C'était bon, GoldenEye. T'as-tu de ton plus, toi? Ben, je parlais de Caulfield. Slav. Plus ceux qui sont bons. Suzuki. Qui paraît bien. Puis à défense, j'aime beaucoup Struble parce qu'il m'impressionne. Je pensais que ce gars-là, c'était comme s'il va pourrir à Laval. Là, mais sinon, pour le reste, il n'y a personne qui m'impressionne tant que ça. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas un qui fait comme « wow! » Tout le monde joue égal. Le seul « wow », c'est Slavkovski. Ouais, c'est ça. Suzuki, Caulfield qui vont bien. Puis après ça, mettons, le gars qui produit au Powerplay, il pleut. Ben, il y avait Monohan, là. Monohan. Monohan. C'est lui, il pue là. Ouais. Ah oui, ok, c'est il ça. Petit. Il produisait. Il avait compté deux buts. On va en parler de ça d'ailleurs après. Là. Ouais. Ouais. De Monohan qui est parti. Là. Ouais. Sean. J'aime bien que Slav a comme compris qu'il était grand et gros. Andrew Garfield. Il faut donner du crédit, ouais. Par contre, à Martin Saint-Louis, parce que tous les trous de cul qui disaient que Slav Kostic devrait aller à Laval, excuse-moi si vous étiez parmi cette gamme-là. Non, vraiment pas. On avait dit d'être patient, nous autres. Ouais. Saint-Louis avait raison, parce qu'il voulait le coller sur lui. Puis justement, regarde, ça marche, là, il a compris. Il voulait faire du pot à pot. Tu l'envoies dans la Ligue américaine. Il voulait faire du pot à pot. Ouais. C'est ça, faut faire avec un bébé. C'est ça, faut faire avec un bébé, faut le réchauffer un peu. Ah, oh, le pot à pot. Puis après ça, quand il est prêt, tu peux le laisser. Après ça, tu ramasses le méconium puis tu continues à jouer. Parce que c'est comme ça. Là. Au nombre de buts qu'il pourrait peut-être se rendre à 20 cette année. Il est rendu à quoi, là? Capitaine méconium. Je pense qu'il a passé le 10. Ouais, c'est ça, il est pas à temps. Là. Mais il reste. Il reste autant de buts qu'Ovi ici. Ouais, parce que Kovi, est-ce que... Ovi, là. Ovi, c'est mon pool, man! Fucker. Ovi? Ah, hey, man, je bench tout le temps. 11 buts, je pense. Quand faut choisir ça lui dans là, je bench Ovi. Il restait, mettons... Donnez-le un break, il a 58 ans. Là. Hey, man, il a la pire saison de sa vie, man. Puis avant la fin de son contrat, s'il se blesse pas, il reste 192 games, puis il faut qu'il score 60 et buts pour battre le record de Gretzky. Ça va être tight en crise, man. Ah, c'est tout cette année qui est pas bon, mais... Ouais. Comptez contre nous autres. Ouais. Une chance. Ouais, j'étais content qu'il jouait au moins dans mon pot. Tu l'as pas pris. J'avais pas assez de game, fait que j'avais assez de place. Tu l'as pas pris de bonheur, j'espère. Oh, depuis le début. Non, je veux dire, mettons dans tes deux, trois premiers choix. Ah, non. Ok. Non. Ben, c'est pas 28e. Ouais. En tout cas, je veux pas parler de ça. Là. Dans le fond de la cave. Ça va pas bien les affaires. 9 buts, 13 assists en 50 games. Uraï. Yeah. OK, fait que tu vois, il est proche du 10 buts. Fait que je vais espérer qu'il n'en compte pas un en fin de semaine parce que c'est important pour le classement, mais après ça, la semaine prochaine, il pourrait se rendre à 10. Bon, ça a été dit. Ouais, mais... Fait qu'à 10, mais ouais, 20 en 30 games. Ah, puis il y a plus de points que Pierre-Luc Dubois. Se rendre à... Oui. Dubois, man. Dubois. Fuck, Dubois. 8.5. Voilà. Hey, pas le même bris, hein. Non moins, maintenant. Yeah. Non moins. Let's go. Non moins. Et calvaire. C'est dur à dire. Moi, le donner sous la recommandation de JF à Gallagher et son coup de cochon inutile. Cinq games. C'est un peu inutile, ça. Ouais, c'était. Il a vu un petit peu de la misère. Useless. Ça a l'air qu'il va avoir deux buts en fin de semaine. Puis, pour Gallagher, il y a une statistique importante là, pour ceux qui veulent racheter son contrat. Là. Si l'année prochaine, on le garde dans le club encore, il va être payé, je pense, à peu près 9 ou. What? 9,5 millions. Parce que Bergevin, il a comme... Il était sa brosse, Bergevin? Ah, si, il a fait ça tout croche. Mais les dernières années, ouais, justement, mais... c'est la moins grosse portion du contrat qui va être. Fait que là, dans le fond, si on le met... Si on le rachète... On va payer 9, mais il va compter pour comme 2, sa masse. Parce que non, c'est toujours 16,5, sa masse salariale. OK, OK. Mais bon, parce on va que payer fond, 9. Ouais. La plus grosse l'argent portion qu'on dépense n'est pas important. On est... Ouais, c'est ça. Ce qui on est important riche. À retenir, c'est que la plus grosse portion de son contrat va être payée dans le premier 3 ans. Puis dans les derniers 3 ans, il va être payé des pinottes. Fait que si on le met dehors, il va nous coûter quasiment rien sa masse salariale pour le racheter. Puis d'après moi, c'est ça qui va arriver. Je sais pas. Il mériterait de se faire racheter. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, il a quand même eu une bonne passe, là, qu'il drivait, il a compté. Ouais, man, au début de la saison, ça non, a duré. Un peu avant Noël, là, un peu avant les fêtes, là, il était en feu. Il produit à chaque game. Il va arriver un temps où ce que l'équipe va comme changer, va progresser encore plus, puis je m'attends à ça au mois de septembre. Je pense pas l'année prochaine. Puis Gallagher, il faudra juste... Il sera plus capable de suivre. Je pense qu'on est axé sur le contour de la rondelle puis la vitesse, puis Gallagher, il n'y a rien de ça. Il est 16 points, il est moins 21, Gallagher. C'est ouais, fou, mais là. Il jouait. Il est tout pété, il n'a plus de doigts. Il n'a plus de main, plus rien. Ben, c'est pas ça des assurances. Mais ben, tu sais, moi, mon moins, pour de vrai, moi, j'ai pas vraiment de moins que je pourrais donner, mais il y en a un que je veux qu'il décrisse. C'est pas pour de vrai, je. Tu qui Jacques, je voudrais qu'il. Ah, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah ouais, ouais. Je l'échangerais, moi, tabarnak. Non, mais échangez-moi ça. Pour de vrai, je trouve qu'il prend une place pour rien. Ça rapporte, OK, c'est, je sais que les fans aiment ça, ils frappent, ils peuvent se battre, mais on n'est plus pour qu'ils jouent un goon, ça donne plus rien. Tu sais, il y a des bons tirs. Des fois, j'avoue, là, il y a des flares offensives, mais c'est pas assez. Puis pour de vrai, tu sais... C'est pas genre de battant que t'es un asset, t'es une bonne assiette pour le club. J'aimais ça, le gars qui vient du Costco. Pour l'instant, je le garderais juste pour la seule et unique raison que t'as rien... pas vraiment rien de mieux pour le remplacer. Ouais, mais mettons, t'enlèves-tu la place d'un gars de Laval à la place qui pourrait monter? Ouais. Qui serait mieux? Il joue bien à Laval avec Logan Mailloux. Ouais. Ben, c'est ça, mais moi j'attends Mailloux. Moi, je montrerai Mailloux à un moment donné. Ben, je montrerai pas Mailloux cette année. Non, pas de suite. On verra l'année prochaine. Non, c'est pour ça que je pense que Jack Hayes, cette année, il peut remplir la place. Là. Ah, Jake Allen, c'est ton moins? Jake Allen? Ou il nous demande si c'est un au moins? Ben, C'est lui tout pour de vrai. Aucune confiance quand il est dingo. Moi, je suis content quand il est dingo. Je le sais, tu veux qu'on perde. C'est pour ça que je ne vais pas donner un mois. Moi, je dirais sur Allen, je dirais juste comme complètement indifférent. T'sais, c'est comme il me laisse comme ni chaud ni froid. Il y a 600 enfants, man. Le gars, il capote. 600 enfants. Ça doit être ça la raison. What's happening with my life? Why am I doing this? Moi, je suis d'accord avec Alex pour Jacky. Puis même, je te dirais présentement, si c'est lui qui a le plus de valeur sur le marché dans nos défenseurs gauchers, je l'échange, man. Je sais qu'il y en a qui ont peur. S'il y a une valeur. On monte un gars par rapport à Laval. On s'en calisse. Mais c'est parce qu'à gauche, on est plein de défenseurs. Oh, mais le monde a peur. Côté gauche, on est plein de défenseurs. Le monde a peur de quoi? On est en reconstruction. Non, c'est parce qu'il y a même en reconstruction. Des grosses mains, fait qu'il est capable de casser des yeux. Ah oui, mais on a pas de Zeta pour ça. Sa moustache fait pas aussi. Ça, c'est le gars le plus inutile qui a fait sa tête. Pedzeta, ça, c'est pas. Mais on n'a pas besoin de deux, moi. Ça serait un mois. Ah, mais Pedzeta, il est tellement. Je le trouve tellement. On l'aimait au début. Parce qu'il avait une belle moustache. Non, mais parce qu'il était drôle à voir aller. Puis c'était plus comme le fait que. It was funny. C'était le pizza man. J'ai jamais trouvé que ce gars-là était bon. Ce gars-là, là, il est pas sorti du vagin, il est sorti du cul de sa mère. C'était noté lettre, tabarnak. Nice. Moi, j'étais encore en tabarnak quand il a mis son bâton entre les jambes et faisait son Harry Potter là, après avoir scoré un but contre Buffalo. Là. À cause de ça, tabarnak. Là. On demande si on regrette. Buffalo a fait les séries, man. On regrette-tu Romanov? Non. Non, pas de vrai, ben non. Ben non, parce qu'il nous a amené Kirby Doc, puis Goulet amène une dimension. Ouais, c'est la fois qu'on oublie aussi le Doc. Ben, tu veux, Goulet, ça serait un plus. Pour de vrai... Ben, Goulet, il est solide. Vraiment, hot, man. J'adore comment il joue. On n'a pas parlé cette année, mais ben, c'est pas grave, si tu n'entends pas parler, c'est parfait. C'est très bon. Ça veut dire qu'il fait sa crise de job, il est tout le temps en bon spot, il est physique, man, il pinch à l'attaque comme il faut. Les defs, tu veux pas l'entendre parler. Sinon, c'est parce qu'ils font pas bien leur job. Exact. Qui fait du bing-bing? C'est Marmont, je vais juste mettre arrêter la sonnerie parce que là, c'est qui, là? C'est bon Jeff. Ami qui va avoir un char. Jeff qui reçoit des notifications de WWE dire que ça monte. Est-ce que Roman Reigns et The Rock... The Rock a slappé Cody Rhodes. On l'écoute en replay, maintenant! Non, ça, on ne regrette pas le Romanov. Non. On a eu un bon échange. Non, puis Romanov, dans le fond, ça ne sera pas plus qu'un défenseur top 4. Tandis que Goulet, ça va être un défenseur pendant que joue sa première paye. Ah ouais. Première paye. Même que je le dirais, ouais, comme des gars de hockey. Éventuellement. Goulet, Rainbacker, premier paye. Puis Hudson avec. Arrête de dire premier paye. Paye. Mais non, mais Chris, c'est P-A-R-E. Rainbacker, ça va être un ça me fait rire. Premier paye. Donc, en fait, continue, c'est mon côté la prairie. Jeff vient de la même ville. C'est la rue du maire, man. C'est juste ça. C'est l'accent de la rue du maire. On est rendu qu'on donne quasiment les adresses où qu'on restait. Dans l'ouest. C'est des Russes qui habitent dans la maison. Dans le fin fond. Struble. Exact. La job à Jack Hyde, mais Mr. Never. Exactement. Exactement, man. C'est mon point. C'est mon point. Puis j'ai donné un plus. De gars qui cherche. Qui? Harris? Jordan Harris. Ah ouais, lui, ça part descendant. Il est fin. Il a été benché. Moi, je l'enverrai. Il n'est pas assez confiant. Il manque un peu confiance, je pense. Moi, je pense que ça ne l'a pas aidé. T'sais, on dirait que c'est pas. Je suis-tu offensif? Je suis-tu défensif? Ouais, c'est ça. Il ne sait plus où il est. Je fais quoi, là? Ouais. D'après moi, il devrait écouter le speech des chaises de Saint-Louis, là, parce qu'il ne sait pas où la sienne. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça, les plus et les moins, il n'y a pas grand-chose à parler que ça. On peut parler de l'échange de Monahan. C'est la fin de la première période. Ah, ben, tu sais, échange. Toi, tu n'as pas d'infos, anyway, autre de la première période. C'est dans les audios après, puis dans le round. Ouais, déjà, ouais. Avec le ben ouais, questionnement, mais on parle d'échange avant de faire la pause. Naturellement, êtes-vous pour ou contre l'échange? Ah, oh, pour. Ah, oh, ouais. De quoi ça? Pour, mais ça fait. Tu sais, l'échange de quoi? C'est pas très compris. Pour ou contre l'échange de Monahan? Ouais. Ouais. Es-tu content qu'il ait été échangé ou t'étais dans ceux qui voulaient donner un contrat de 5 ans à 25 ans? Malade, toi, pourquoi on serait contre l'échange de Monahan? Parce qu'il jouait bien. Parce qu'il y en a qui ont. Comme dirait Maxime Lapierre, que personnellement, je trouve que ça n'a aucun rapport, ce qu'il dit là, pour un ancien joueur de la Ligue nationale. Il disait que c'est bon d'avoir des vétérans dans la chambre et que Monahan aurait pu aider les centres à progresser. Je suis d'accord avec le point, sauf que le gars, il est free agent à la fin de la saison, puis je suis pas sûr que Montréal, c'était temps... C'était le bon timing. Mais ce que je veux dire, oui, le timing était excellent, mais je pense pas que, je veux dire, Monahan, il se voyait-tu longtemps à Montréal, anyway, ben, dire... Le bon Renault a sorti un scoop, là, puis ça a l'air que cet été, quand Monahan aurait pu signer pour plus cher ailleurs. Sauf qu'il savait que s'il signerait pour moins cher à Montréal, il y aurait plus de temps de glace, avec raison. Et puis, non seulement ça, mais ça lui donnerait la chance de pouvoir signer son gros contrat, parce que c'est sa seule chance d'être autonome. Là. Il a 29 ans, il n'a jamais eu la chance d'être signé agent libre. Fait que là, dans le fond, lui, je pense que c'est parfait pour lui ce qui se passe en ce moment. Non, c'est bien ça content, qu'il voulait, là. D'après moi. Ben oui. Puis aussi, il va peut-être vouloir aller chercher 6, 6,5 millions l'été prochain. Puis un club qui va donner, tant mieux, mais il est fragile, là, c'est-tu. Ouais, mais je ne pas puis, le signer. Tu sais, je veux dire, c'est ça, exact. Je pense j'aurais que pas signé ici. C'était je parfait de l'échanger. Il est en santé, puis tu ne sais jamais ce qui va se passer avec. Fait que, tu sais, non, moi, je pense que c'est un très bon move. Puis, tu sais, un first pick, it's good. C'est deux first picks qu'on a pour lui. Un first pick, puis un troisième, c'est Winnipeg. Non, mais avant l'autre échange. On a eu un autre. Ouais, on a eu un first pick pour ça. Ah, puis en passant, juste un update, parce qu'il y a eu tellement d'astérix sur le first pick que les Flames nous ont donné. Là, là c'est sûr qu'on n'aura pas le pick de 2024, parce que si le choix il est dans le top 10, automatiquement, les Flames le gardent. Fait que l'année prochaine, là, ce qui va se passer. Combien, c'est en 2025 qu'on l'a. Ils sont en marde présentement. Comment? En 2025. En 2025, les Flames ont le first pick des Panthers et le first pick à eux autres. Fait que là, ce qui arrive, c'est que si, mettons, les Flames sont encore dans le caca puis qu'ils finissent dans la marde, ouais, bien, nous autres, on aurait le moins bon des deux picks, c'est-à-dire celui des Panthers. Okay. Il faut que le choix des Flames arrive dans le top 10. Mais si les Flames repêchent 12e et que les Panthers repêcheraient 32e, mais nous autres, on aurait le meilleur des deux picks, c'est-à-dire le 12e. Faut souhaiter que les Flames soient un peu meilleurs. Ça serait parfait. Ouais. Okay, ouais. Fait que l'année prochaine, on va avoir un autre choix de première ronde. Poche, mais pas trop. Ouais, ben, tu sais, un top 12, c'est pas si pire. Ça devient une bonne monnaie d'échange aussi. Parce que le monde qui pense, là, je vais parler à toutes les cartes. Mets de la galère au souhait. J'argumente, là. le monde qui pense que là, on a trop de choix, là, que quand on repêche, ça va servir à rien. Bien, ça devient un asset pour faire une transaction comme Kirby Dach, comme qu'on a fait avec Alex Newhook, comme qu'on va faire cette année. Puis il y a une rumeur présentement qu'un joueur de talent qui est disponible, qui est malheureux, puis sa négociation de contrat a très mal été cet été, puis ça donne que c'est le... Exactement. Qui? Z-Gris, là, il est disponible, puis que ça nous coûterait des choix avec quelques prospects, mettons Jack Hyde. Si ça nous coûte des choix avec des prospects, c'est pas pire, parce que ça... Il y a l'âge à Caulfield. Parce que moi, je le trouve un peu overrated, ce gars-là. Pour vrai, là, en général... Là, puis d'ailleurs, il a été voté overrated par un... ils ont fait un... Voter overrated. C'est bien chier. Où ça? Le sondage dans les Razzies. NHL, que Athletic a fait auprès des joueurs de la ligue, là, puis il a été voté comme un des joueurs les plus overrated. Mais moi, je le trouve overrated un peu, ce gars-là, parce que, tu sais. Il flash. Il y a des beaux moments où ce qui flash. Ouais. Mais je pense pas que c'est un joueur tout feu, tout flamme. Là. Je veux dire, moi, je pense pas, que. Mais côté talent. Mais si on l'a pour, genre, des picks puis des prospects, ouais, compter 23 buts. Parce qu'on n'a pas de talent élite à l'attaque. Pas cette année, par exemple. Cette année, t'as quoi? Il est blessé, par exemple. Il est blessé cette année? Oui, il s'est blessé cette année. Buts, il écoute une saison à 3. Les Ducks, là, c'est... Mais l'année passée, 23 buts. Ils ont bien été, puis après ça, ils ont tombé solide. Ça a été la catastrophe, eux autres. Hein? Il a compté plus que 20 buts dans ses deux premières années. Il a fait 63 points à sa deuxième saison, ou de quoi de genre? 65. Mais en plus, je pense qu'il est ami avec Caulfield. Fait que je pense qu'à Montréal, ça serait parfait. Côté talent offensif. Il faut juste pas que ça devienne genre la clique des cocos. Ouais, il faut pas que ça devienne le country club. Voilà. La Coïvou. Voilà. Les Costitines. Ouais. Ouais, les Costitines. Ouais. La mafia russe. Ben, tu sais, moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que le monde ne veut rien savoir de Z-Gris parce que ça a l'air qu'il y aurait une attitude de cul parce qu'il aurait dit un joueur qui aurait perdu son père dans la semaine. Il dit ton père te regarde d'en haut. The fuck, c'est même pas une insulte. C'est comme. Don't forget, c'est pour ça que your friends looking for. Le gars, là, écoute, c'est Pat Denis, il a 48 ans, puis il fait juste boire du vin. Pat Denis. Il parle pas anglais, fait non, qu'il a pas compris. Non, non, non, dis pas ah, des non, noms. Écoute, c'est un gars sur Twitter. De quoi tu parles? C'est son nom, Twitter. Fait que. Tu suis trop de monde sur X, Jeff. Ah ouais, écoute, c'est impensable. J'ai dit, tabarnak, man, sur quel monde tu vis? T'sais, on s'entend-tu qu'au hockey, ça a glace, ça sent des X. Oui, X.com. Ouais, mais attends, ok, fait que c'est un joueur de l'autre équipe. Puis il a dit ça, hey, ton père te regarde du ciel. Parce que l'autre joueur commençait à sûrement qu'il disait de la merde. Puis il disait, hey, ton père te regarde, si honte de toi. Mais tu vois, on dit c'est pour ça que ça prend des vétérans dans un club. C'est vrai aussi, ça te prend des. Ouais, des c'est un bon vétéran. Là, c'est un bon Gallagher, là, clairement. On a plus de avec ses doigts, tu croches. On a plus de vétérans. Prends ma main. Ben oui, on a des vétérans encore. Non, je veux dire, excuse-moi, c'est pour ça que je le disais pendant tout, t'as raison. Vu que Monahan est parti, on a 8 vétérans encore dans le club. Mais faut en garder. Ça, c'est plus que le tiers. Faut en garder quand même, Jeff. Moi, Mathessa, faut en garder 3-4. C'est bon, 8, Esti. 8. Je dirais 23-4. Oui. 8 qui nous restent. On a Matheson, ouais. David Savard, ouais. Gallagher, David. Jake Allen, que je compte là-dedans. Ouais, mais Jake Allen, on a c'est Christian Dvorak. Jake Allen, il est un siège éjectable. Ouais, mais c'est ça, mais il parle quand même au gars. Puis on s'entend-tu que Suzuki capitaine, ça peut compter pour un vétéran? Puis même Martin Saint-Louis comme coach, pas, là. Un très jeune Suzuki, vétéran. Je le mets pas vétéran. Non, moi non plus. Ouais, bon, 3 contre 1. Ça fait 5, 7, 2 contre 1. 3 contre 1. Capitaine du club. Mais oui, mais pas parce que grave, capitaine. Ça. Ça, c'est pour Crosby, la marketing. Là, quand il est arrivé dans les Pingouins, il était capitaine la première année. Étais-tu un vétéran? Non, il y a, ça, c'est, on parle 5 saisons versus une saison. Ben là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ton argument, Alex, ça a été, il est capitaine du club. Non, mais si c'est ça ton argument, il a été nommé capitaine ton après 3 saisons à Montréal. Je le sais, mais non, mais il n'est pas vétéran. C'est la tête en face comme Rock sur Il s'en vient, il est comme Midwin. Il est plus recru, il n'est pas vétéran. Ben oui, mais il se comporte comme un gars qui allait à la catéchèse quand il était jeune. Ah oui. Il est tout le temps bien habillé, peigné sur le côté, il est fin, il coupe ses. On l'a rencontré, tu sais, il y a du monde à la job sur terrain rencontré, puis les enfants me font passer. Ce gars-là, il. Suzuki? Ouais, il a passé du temps avec chaque enfant, parler avec eux. Ah, on était 4 contre 1 finalement. Mon neveu est contre toi. Même si Suzuki, ben lui, mon seigneur neveu dans le chat, il compte toi aussi. 4 contre 1. Même s'il coupe. Le mallette de la langue, si elle tourne dans la gueule, il agit comme un gars de 50 ans par contre. Ouais, parce qu'il coupe ses carottes. Mais non, mais il est super fin, mais il est vanné en tabarnak. C'est correct. À son comportement, totalement. Mais c'est parfait parce que j'aime mieux ça qu'une air caillou, esti, parce que ça va être genre le gros party. Bon, mais là, il sort jamais. C'est comme qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai fait des Legos. C'est ça, c'est le même, moi aussi. Bon. On s'entend bien, moi, puis lui. Seul, c'est blonde, faire des Legos. Mais elle a pris la place à Angela. Chris, elle organise des événements et tout. Ouais. Angela. Jerry, ça. Non, je pense qu'on a assez de vétérans. Puis moi, je compte Saint-Louis comme étant un vétéran parce que c'est un coach moderne. Si les gars sont proches, il n'y a personne qui a peur de Saint-Louis. J'ai hâte d'avoir lu comme coach. J'aime ça. Saint-Louis. Ah ouais, on peut voir des beaux extraits en deuxième période. Je dis juste en arrière du banc, comment qui, man, il y a. J'aime ça, j'adore qu'on ait. D'un, il cache pas la foule en étant derrière le banc. Mais non, j'aime ça. Il est bon. Tu vois qu'il aide les gars. Il développe bien. Et tous les coachs sont des vétérans. Ben, ça dépend. Bon avec les gens. Ben, Michel Therrien était vétéran de la clope et des sons de rock de son. Jacques Martin, Claude Julien. Non, mais c'est des vétérans de la vieille garde. Ils ont joué au hockey. Puis Therrien, quand il aimait pas un joueur, il coupait ses ongles d'orteil et il crie ça dans la face. Fait que moi, je le compte pas là-dedans. Il est crotté, ce gars-là. Ouais, mais c'est vrai, on avait déjà dit ça. Il coupait ses ongles dans le bas. Sais-tu qu'est-ce qu'il faisait, Michel Therrien, man? Dans le livre de Pierre Gervais. Okay, je pensais, pas, pour, mais on est quasiment sûr que cet été, on devrait faire juste la lecture du livre de Pierre Gervais en nombre. Pour vrai, là, je vais faire ça. Aujourd'hui, on lit le chapitre. Je vais faire ça tout seul cet été, je pense. Audible, genre Young. T'sais, on va lire le livre de Pierre Gervais. Attends, c'est Jeff. Vas-y, Jeff. Eux autres, ils ont comme tout le temps, genre, des messes à la table et tout ça. Puis à un moment donné, genre, en début de saison, ils commandent toujours des ustensiles en métal ou en aluminium, des affaires qui sont chères, là. Puis là, un moment donné, l'assistant Pierre Gervais, il s'en va et il dit Pierre, il faudrait qu'on commande d'autres cuillères. Puis tu commences ça aussi. Tu sais, d'habitude, ça dure une saison. Puis il dit, je comprends pas, on n'a plus de cuillères. Fait que là, écoute, là, on est rendu à la fin du camp d'entraînement. Fait qu'il recommande une autre boîte de cuillères. Puis là, après ça, un mois après, puis il dit, Pierre, il faudrait recommander d'autres cuillères. Je dis, oh non, Chris, encore des cuillères. Si on vient d'en commander une boîte de 32. Des cuillères? Sais-tu qu'est-ce qui se passait? Ils se sont aperçus qu'un coach qui ne nomme pas, il prenait toujours un yoga qu'une cuillère, puis il écrit ça aux poubelles, les cuillères après. Ça, c'est Michel Therrien, man. Il faut-tu être cave, tabarnak? C'était lui qui faisait ça? C'est sûr, parce que dans le fond, j'ai regardé les stats du gars sur Wikipédia, savoir c'est quand qui était assistant à Montréal. Puis le deux tiers du temps, c'était Michel Therrien, le coach. Fait que c'est quasiment sûr que c'est lui. Ça me surprenait que ça soit Jacques Martin. Puis certainement pas Claude Julien. Non, Claude Julien, il devait de la classe. Il devait les laver, les cuillères. Il est comme des enfants, man. Fait que c'est sûr que c'est pas lui. Ça me surprend. Ouais, c'est pas mal. C'était pour faire de la freebase, effectivement. Dans le bureau. Il est jeté dans les poubelles, man! Derrière, ses rideaux sont de la clope. Parce qu'il était tout brûlé. Il allait juste avec un yogourt, puis en arrière, il brûlait ses cœurs. Ben, c'est chelou. Quand je mangeais un yogourt, ouais, sale. Il y avait une serviette mouillée sur la tête. Le pire, c'est qu'ils l'ont jamais dit au coach parce qu'il avait peur qu'il se fâche. C'est pas Claude Julien. Claude Julien, il se serait pas fâché. Il aurait parlé avec une petite voix comme ça. Mais non, je pense que même lui, il avait des ustensiles en bois parce qu'il était un peu plus écologique. Si j'ai ça. Les ustensiles en bambou. En bois? Ah ouais. Ma brosse à dents est en bambou. Oh. Oui, mais pas les poils. J'ai des pailles en bambou là-dedans dans cette affaire. On est fancy, ça. C'est ça. Mais les crises de paille en carton, là. Ouais. Ça, peux-tu pas te désintégrer après 30 secondes? C'est terrible. C'est la carte goûte le cul avec ça. Ouais, tu bois mais c'est, on, c'est pas, ça on dirait, colle, oh, ouais, on dirait qu'à un moment donné, t'as elle se décompose genre, dedans. Le cœur, elle goûte le carton. Là. Ouais, c'est pas bon, c'est mais moi, j'aimais mieux les pailles en vitre. Des pailles en vite. Ben, moi, vite, c'est dangereux en tabarnak. Ça me surprendrait que ça existe. T'es plus en mais c'est chez nous, man. Pas, mais on se parle pas de la vite, ça peut te péter dans plastique. Hein? En plastique, non? Faudrait que je check. En vite, imagine ta croque par accident. En, ou... Ça te pète dans la bouche. De ton verre. Mais je mets pas mes dents là-dessus. Moi, non, mais quelqu'un accroche ton verre. Tu peux pas. Tu pourrais faire la même. J'en ai en métal. Tu pourrais faire la même affaire en métal. Tu pourrais te péter les dents. Non, mais genre, ça peut pas casser en deux si tu prends un mauvais angle. Ça peut pas casser dans ce sens-là. Mais genre, quelqu'un accroche son verre là-bas. Là, tu la pète dans ta bouche. La gueule pleine. Vite pété. Mon gars, il se prend des cappuccinos glacés au Tim Hortons ou il se prend des smoothies au McDo. Des déjeuners le matin. Là. Ouais. Puis souvent, mettons, on va souvent chercher ça quand il va à ses games de hockey, justement. Fait qu'il laisse son esti drink dans le char. Puis là, il revient. Là, puis les boîtes d'œufs, c'est dégueulasse. Il y a tout le temps jammé, man. Ça, ça clogue dans. Puis là, c'est fini l'empaille. Là. C'est pogné là parce qu'elle est en carton. Fait que tu peux pas souffler dedans ou tirer parce que tu tires la paille le toi, projet, esti, là. Tu vas l'avaler. Là. Faut que t'abandonnes là, le projet. Il capote. Fait que là, on arrive à la maison, j'en donne une en plastique. Ah, on en garde dans le char en carton, en backup. Là, ou toujours en plastique, on achète de l'oramon. Il y a des pailles esti en blanc puis en rouge comme il y avait au McDo dans le temps. Ah, des points. Mais c'est pas bon, ça tue les tortues. Fait que vous voyez ça de l'orama, fait que c'est deux fois plus de gaspillage. Quand on était jeune, c'est utiliser pas du papier, il faut sauver les arbres. À ce temps, c'est utiliser pas du plastique parce que c'est le pétrole. Fait que c'est tout le temps quelque chose. Là, à ce temps, on utilise du papier partout. Fait que les arbres, il se passe quoi? Tout est beau? T'as qu'à de troubles, ces enfants. Ouais, c'est maudit trouble. Il y a raison. C'est une solution de la jasette. T'avais demandé de débarrasser. Un jour, il y avait un retour après 4 ans de la jasette. Out of nowhere. C'est un bon deal, Monan. C'est un bon deal chez eux, chez nous. Et bon, avec l'économie. Légalement. Ah, puis by the way, les Jets n'ont pas gagné un match avec Monan. Ils ont perdu 4-1 contre les Flyers, puis 3-0 contre Pittsburgh, puis la mort de Pittsburgh. C'est Calgary. Tantôt, t'as dit Calgary, c'est les Jets. On est chargé aux Jets, mais nous autres, on est allé le chercher. C'est pas Monahan. Calgary, nous fait... on a un first pick. OK, OK, c'est ça. On n'a pas comme genre 27 picks au prochain repêchage? On en 32. A deux en première ronde. Puis je pense qu'on en a trois en deuxième. Wow. On va se faire des belles assiettes. Pour avoir un joueur de non, de, mais, ça, mais on peut peut-être utiliser ces picks-là pour aller chercher. Enfin, les gens, ouais. Voilà. Oui, parce que tu vois, Martin Saint-Louis a déclaré à NHL.com que dans le prochain draft... Il y a possibilité d'avoir au moins 5 joueurs élites de disponibles, puis le reste, c'est de la merde. Fait que d'après moi, les Canadiens vont s'arranger pour finir le plus beau possible pour repêcher eux autres. Puis là, tu sais, je vais peut-être plus en parler vers la fin de la saison, mais il y a Celebrini, qui est comme classé top 1. Puis après ça, tu as un Russe, Demidov. Tu as Caden Lindstrom, que ça a l'air que ça, c'est une machine à poter des buts. Fait que ça va être intéressant à suivre. Là. Ouais. Un bon prospect, ça. À suivre. Et voilà. Lindstrom. Cool. On va aller faire le premier entracte et on vous revient pour la deuxième période avec les audios de Martin Saint-Louis et Kent, le bon Kent. Le bon Kent. Un petit pipi-papa. Un petit pipi-papa et on vous revient. C'est vrai, j'ai pas remis le buzzer. On est de retour pour la deuxième période. La période des audios, présentation de JF Mallette et le son période. De bière de Chippy qui sauve. De ma tante, en fait. C'est pas une Chippy, c'est ma tante. J'aime bien ça, ma tante. Moi, je suis côté japonais. Donc, JF toujours commandité Modelo, pas commandité. Moi, ça, Alex, oui. Sur le japonais. Moi, full Québec. Japonais. Japonaise. De cacataille. Je t'allonge que j'aime les matantes. Bon. Sans fire. C'est correct, ça. Hein, on est rendu là, on est rendu à l'âge qu'on aime les matins. C'est vrai, tabarnak, quand tu y penses. Hein? Ouais, ouais, on est des hockey boomers, presque. Ça, c'est l'insulte la plus... ça, c'est l'insulte la plus incomprise au hockey boomer. Hockey boomer, ils disent ça à du monde qui ont 30 ans. Ouais. Tu sais pas ce que ça veut dire, un boomer. Là. C'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui. Ah, les jeunes. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Oh, cette jeunesse. Donc, on aura 4 extraits de comme Martin Saint-Louis. Comme là, c'est un paquet de troubles. Oui. Bonne tune en passant. Ouais, c'est la tune de la publicité, donc voilà. Fait qu'on va partir avec Saint-Louis. On lui a demandé à Saint-Louis, pourquoi t'enlèves ton goaler à 8 minutes de la fin d'un match et que l'équipe perd 6-1? On se rappelle de cette belle présence. On va écouter le commentaire de Martin. Ah, mais pourquoi pas? Tu sais, tu perds 5 à 1, c'est quoi la différence de perdre 5 à 1 ou 6 à 1? Tu sais, t'en marques un là. Tu sais, là, c'est les 3 buts, il reste 8 minutes, tu prends un power play, tu sais pas, tu sais. Si t'essaies, rien, t'as rien. Mais ça, c'est la nouvelle mentalité dans la ligue, là, à cette heure-là. Ouais. Hey, dans le temps, là, t'enlevais ton gardien à genre 15 secondes. Une minute, là, c'était comme le top. Là, comme, là, quand il restait une minute, là, vite, il éteint. Il te reste comme 35 secondes là, parce que le temps que tu mettes la puck dans le fond puis que tu enlèves le goaler, tu rembarques un joueur sur la glace. Tu restes comme... La question, c'est qui a commencé le trend à sortir 2 minutes, 3 minutes avant? C'est Roy qui avait commencé ça dans le junior, je pense. Ah ouais? Oui, parce que lui, il avait commencé à 3 minutes qui restait de la fin puis il avait enlevé son goaler. Ouais, fuck it, guys. Puis ça avait marché avec Roy. Ouais. Juste avec Roy. Ouais, puis il l'avait fait contre Montréal et tout. Il avait enlevé son goaler super tôt. Dans le temps qu'il jouait au Colorado. Non, mais c'est mon seigneur neveu connaît son hockey comme palette. Il a dit la même réponse. Il a dit Ray, mais il veut dire Roy. Ouais. Ouais, il y a un petit typo là-dedans. Mais parce que tu sais, le A puis le O sur le clavier sont vraiment proches. Je pense que c'était au Colorado. Exact. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Roy, il l'a fait. On t'a vu, on a compris. Quand il a fait son retour dans la Ligue nationale cette année, ils ont joué contre Montréal comme tout de suite après. Ouais, ouais. Puis il l'a fait. Il a retiré son goaler comme il restait comme 3-4 minutes. Là. Ouais. OK. Fait que merci pour la réponse. C'est ça qui arrive quand tu bois de la microbrasserie à 6%. T'écris rire au lieu d'écrire roi. Voilà. Ouais. Nous, c'est des vétérans de la boisson ici. Ben, pour de vrai, il a raison. Ouais. Il a bien fait de faire ça. C'est pas grave. On parle déjà. C'est quoi la différence? Ouais, on va essayer quelque chose. C'est les journalistes qui essaient de sauver le calice de job. Non, parce que ceux-là sont traditionnels. Ben là, je comprends pas. Ils sont en faillite. Ils sont sur le bord de se faire slacker. Les médias traditionnels. Ouais, ça, toute la merde, c'est-tu. L'argent dans le podcasting, ça. Vive Twitter! Ça, salade de choux traditionnelle, moi aussi. Chris. J'aime ça, salade de choux traditionnelle, moi, Golis. Moi aussi, je veux du poids. Moi, j'aime la crèmeuse. Moi, c'est crèmeuse avec du poids. Ah, moi aussi, crèmeuse avec du poids. Traditionnelle avec du poids. Crèmeuse avec du poids, sur une poutine. Non, ça juste au patio. Ça, c'est une patio Vidal, ça, je vais dire. Poutine, je du patio. Ils l'ont fait au Belgo. Pour vrai? À Saint-Jean, ils ont fait la poutine du patio. Miss that one. Ah, ouais, c'est un bonne poutine saucisse, filet de poulet. La meilleure poutine au patio, c'était avec la salade de chou. La poutine sauce barbecue. Frites sauce barbecue. La seule place que tu peux prendre une sauce barbecue. Poutine, c'est trop compliqué. Ils font à cette heure chez Victoria. Ah, bon. Benny Off, yo, salut. Hey! On parle, de poulet, puis quelqu'un qui s'appelle Benny qui est rentré. Ouais, voilà. Benny. Ah, le cousin de l'autre. Justement, de la poutine. Non, c'est pas des cousins, c'est des frères. La poutine spéciale du patio avec les frites. Spirale. Spirale avec la salade de choux à part. J'apprenais pas, moi. Ah, moi j'avais ça dépendait de l'heure. La salade de choux à part, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. À part. Fuck, c'est go. Ça dépendait de l'heure qu'on venait des bars. J'ai souvent des déjeuners. Ouais, aussi. Ben, quand on sortait des bars, on prend deux œufs, tourner avec du bacon. À 3h30. À 3h30, c'est que ça dort bien. 3h30. Faire une heure de j'aurais pas besoin de déjeuner demain matin. Bon. Ça va être une affaire de fête. Un two cents quand on était jeune et chaud. Maintenant qu'on parlait de ce qui s'est passé il y a 20 ans, maintenant. Ouais, c'est ça, pas mal. Hein. Martin, parle-nous donc de l'indiscipline du shérif Chekaï. Est-ce que ça t'acharne de voir ça, que ton défenseur qui vient de revenir retombe dans ses mauvais pieds? J'adore pas ça. J'adore pas ça. C'était quoi les mauvais plis? Qu'est-ce qu'il avait fait? J'ai manqué ça. Ah, c'est des revirements sur le coin de la bande. L'extrait, c'était j'adore pas ça. Le pas qui roule sur le coin, pas capable de la pogner. Le gars, il était vraiment en manque de confiance à Montréal. Puis je pense peut-être qu'il a voulu un petit peu trop en mettre parce que c'était son retour. Parce que le gars ne s'attendait pas. Il pensait que son poste était établi. Ah, lui, il était in. Il n'était pas établi. Même que je te dirais que quand il retourne à Laval, au début, c'était difficile. Oh, il était un petit bitch. Mais le petit pilote, il était un petit bitch quand il était renvoyé à Laval. Juste pour ça, tu ça y a pris un bon 2 semaines, ouais. Mais le je peux pas dire petit pinot, je dirais plus la grosse pinot. Il a commencé à le replacer pour dire là, ouais. Tu vas apprendre à jouer au hockey. Mais il y a encore tu as rien du village. Ben, le gag de pinot a passé dans le bar, là, mais c'était très bon. Ben, personne ne sait c'est qui, Réjean. Ben oui, c'est le fils à Réjean Will. C'est la grosse pinot. La grosse pinot. JF Will, il est gros. Là. Ouais, c'est un coach imposant. Il y a des grosses joues, puis ils sont rouges. Ça, c'est la boisson. Les meilleurs. Lui, c'est pas Pinot, c'est noix de Grenoble. Possiblement, mais c'est apparemment que Chekaï déteste pas les bars à Montréal. On s'en doute fortement. Ouais, non, ça. Pas sûr de ça, moi. Mais par contre, Chekaï, d'après moi, lui, là, son problème. C'est sa moustache. Je voulais dire de quoi. Moi. Puis je sais plus. Attends, allez, ça va revenir. Je vais parler de Chekaï. Les bars. Oui, c'est ça. Il est à poudre. Chekaï, là, tu sais, lui, il est passé d'un gars qui plaçait du stock au Costco. Ouais. On sait tout ça. Après ça, tu sais, mettons, sa progression a monté. Agent shérif qui a un burger qui est gros. Il a fait le Montréal l'année passée. Imagine comment il est brossé les palettes, lui. au Costco. Ben, t'as sent un bras, sûrement. Avec ses grosses mains. Puis là, après ça, tu sais, il a été à Montréal parce qu'il n'y avait pas le choix, on avait trop de blessés. Puis là, oups, tu sais, là, les joueurs reviennent, tout ça, la saison commence, début de saison, compétition. Je pense que sa pente de progression, elle a atteint son summum, puis là, commence à baisser. Ben, je pense, ben, c'est quoi la gang de 2 ans? Ben, un peu trop, trop confiance. Ouais, mais c'est hey, je l'ai fait pareil, la NHL, je suis bon, le monde m'aime. Ben, il n'y avait que, pas personne ouais, à dire. Je pense que c'est ça aussi l'affaire. On n'avait pas de talent. Je pense qu'il a été un peu mis sur un piédestal parce que ouais, tout le monde est... son style est... Et il fait que. Et grinder. Mais ben, il y a une popularité parce que le gars, il se bat. Fait que, tu sais, ça, quand t'es live, ça pogne. Fait que la foule live, là, qui te voit te battre, là, elle a une énergie de malade. Fait que là, lui, genre, ça le met comme à quelque part qui devrait peut-être pas être en réalité. Tu sais. Il y a des beaux flashs, alors, en fait. Il y en a six bons. Mais il est pas mauvais. Il est pas, c'est pas un mauvais défenseur, mais j'ai l'impression qu'on dirait que. Si que c'est en montagne russe. Parce que si tu restes, que tu veux juste te battre pour avoir le pop de la foule. Mais là, tu mets à l'équipe, ça marche quand tu fais ça. Parce que c'est ça, puis à un moment donné, c'est. Il essayait juste d'aller chercher le hit. Il essayait juste d'aller chercher le fight. Il se concentre pas sur la game, il se concentre sur ce que je veux. Je veux faire un beau plaqué, genre. C'est ça. Qui est hot, là. Tu sais, une bonne maison. Je vais à la foule, je vais faire une belle mise en échec, mais c'est parce que la rondelle, l'esti est en jeu, là, puis tu viens de la. Mais l'année passée, il faisait moins ça. Cette année, là, c'est comme. Là, je veux pas. Tu sais, il a pas eu le goût de ça. Ouais. C'est pour ça que je trouve qu'il. Ben, c'est donné un boost. Ben, je sais, mais ben, ça. Il faut juste qu'il revienne à la base, jouer au hockey, puis te battre, c'est quelque chose. Ben, peut-être qu'on devrait c'est quand t'as une opportunité. Ouais. Ben, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être une possibilité, puis je sais pas s'il y en a qui seraient d'accord avec ça, là. Brassard, il cherche son match. On s'entend qu'à défense, il y en a beaucoup de défenseurs de son côté, puis qui est après se faire dépasser par quasiment tout le monde. Mais est-ce que Jack Hay pourrait être converti en attaquant puis jouer sa quatrième ligne? Oui, mais. Genre devenir le Todd Ewan moderne. Genre le Dardenneau. À la place, mettons, de Pezzetta. Sauf que Dardenneau, il se battait pas. Dardenneau, Chris, il se cassait le dos en déplaçant des boîtes quand il faisait des missions de déménagement. C'est très rare, ça, man. Un ailier, puis tout, le mauvais, ben c'est comme, rare, comme dans le fond, le dernier défenseur qui est devenu attaquant, il y a Dustin Byfuglien, mais on s'entend qu'il ne produit pas autant. Ouais. Sauf que, tu sais, ils sont tiens à garder... C'est le même genre de joueur, right? C'est le même genre de joueur. C'est juste qu'il y en a un qui est vraiment meilleur offensivement. Ouais. Mais est-ce que Jack Hay, dans le fond, si on veut comme le gardien à Montréal, est-ce que ça serait utile de le garder juste à l'attaque parce qu'il est capable de jeter les gants? On a-tu besoin de tout ça aujourd'hui en 2024? Moi, je pense pas. La bataille, pour le reste, ça devrait être fini en NHL. C'est le fun, là, mais... On devrait avoir toutes des full face. Non, mais je veux dire que garde ben le casque. C'est nécessaire. Ouais, ben... On s'attend que dans la game, c'est un peu nécessaire pour garder un peu le contrôle. Là. Mais tu sais, juste deux gars qui se battent pour se battre, en même temps, c'est triste en crise. C'est sûr que ça prend de la bataille pour gagner un cheap contrôle, shot comme Gallagher a fait. Il mérite de se faire crisser une coupe de taloche à la gueule. Ben c'est sûr que mettons que ça nous prend quelqu'un de même. Ça prend pas tout le monde. Pas comme une équipe de Suzuki. Sauf que pour que ce que tu dis là arrête, il faut que les sanctions soient plus sévères pour que les joueurs fassent pas ces coups-là. Mais là, ça arrive pas. En même temps, mais c'est comme. Je pense qu'on parlait de ça. Sur le marché au stade. La première année qu'on a commencé le podcast, je pense qu'on parlait de ça. Oui, c'est toujours. Mais on veut pas. Ça fait 10 ans. Si tu compares avec la première année qu'on a fait le podcast, puis aujourd'hui, il y a beaucoup moins de batailles nationales. Tu sais, je veux dire, ça s'est calmé énormément. Ça s'est clairement calmé. Regarde à Toronto, tout le monde louangeait l'arrivée de Reeves. Là. Ouais. Reeves. Là, aujourd'hui, Chris Sesti, je pense que Toronto cherche un moyen de le crisser dehors parce qu'il est inutile. Mais c'est, ça il parle aux médias, man, comme s'il était sa poudre. T'as pas besoin d'un faux show. Comme, il est sa poudre. Ouais, c'est... Tu sais, les vraies affaires, ici, les gars. De quoi, de quoi, de quoi? Mais il est sapote. Ok, bah, c'est ça. Il est pas comme. Il est pas comme, ça a pas. Il est pas comme. Juste pas comme. Ah, ok, vous avez corrigé ce que j'avais dit. Il m'a piqué dans ses gants, là. Il m'a demandé, mais c'est quoi avec gomme? C'est pas du salt, là, qui. Non, c'est pas. C'est pas des salt. Parce qu'après ça. Subtil, mais tu vois qu'il rentre dedans. Il n'y a pas tant de bagarreurs que ça dans la Ligue nationale, là. Des fonds, des gars, c'est des jobs à temps plein. C'est pour ça que Jack Hayes, tu peux pas être un enforcer, là. Faut que tu joues au hockey. Fait qu'arrête de juste penser à popper. Il y en a plus des John Scott qui gagnent les All-Stars. Il y en a plus. It's a dying breed. Là. Ça va mourir, ça passe-là. Fait après à jouer au hockey, peut-être, oui, aller en avant. Mais on dit que Reeves, il a peur depuis que Jack Hay l'a ramassé. C'est une nasty transition à faire. C'est vrai, ça. Passer un D à l'attaque, c'est tough. Là. Y en a-tu vraiment qui est successful de faire ça? Écoute, à Montréal, le dernier, je pense, c'était Mark Streit. Puis on s'est entendu que Mark Streit, il avait un talent offensif. Il avait un fucking. Ben, les gars, faut que tu aies beaucoup plus de cardio. Faut que tu aies bien plus de cardio à l'attaque. Plus c'est un gros gars. Fait que l'entraînement est vraiment différent parce que, tu sais, quand il avait pas essayé aussi avec Diaz. Il patine bien moins. Oui. Dis, ouais. C'était juste pas bon. Mais... Non, mais je parle qu'il avait essayé. Non, moi, ça se peut. Mais peut-être bon cardio, c'est vraiment pas le même genre de patinage. C'est, man, c'est ah, puis Diaz, il a marié une femme de Love Story. C'est ah ouais. Fantastique. Ça. Des belles rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs, c'est une vérité. Non, mais des belles informations. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, des beaux potins. Si quelqu'un me offrirait un premier choix. C'est ton Allo Mallette. C'est ça, le Allo Mallette. Si quelqu'un me donnerait un premier choix pour Jacky, je pense que je ferais l'échange tout de suite. Ouais, ouais, t'es tout super. Surtout que c'est un gars, genre, qu'on n'a jamais repêché. Tu vas avoir quoi, un fifth round, sixth round, seventh round pick? Pour l'autre, tu as juste un petit pick book. Non, je dis si quelqu'un offre un first round pick, tu l'échanges. Tu es malade, toi, ça roule. J'ai dit si. Tu es malade. Si. Pour Jack. Tu es malade. Écoute, ça a l'air que du monde pense qu'il vaudrait ça. Non, fuck. Ça, c'est Jean-Marc. Le gars qui est pas là pour se défendre. Il est pas là pour se défendre. C'est du monde qui veulent pas l'échanger parce qu'ils pensent qu'on a besoin de ça dans le top 6. On s'entend-tu qu'à 6 places en défense. Alors, je serais surpris. Un 5 aussi, je répète. Ça, je m'en ai dit, je serais même surpris d'avoir un 2-3. Non, non, 5-6. Okay. Puis moi, je pense que vraiment, je suis généreux. Je donnerais un 7. Ce gars-là, ça va pas d'une part. Là. Moi, je le prendrais pour me mettre dans AHL. Ou sinon, si au moins qu'on l'aigle dans un package, je pourrais chercher un joueur. Ouais. C'est une équipe qui est bandée. C'est un bonus. C'est un bonus pour son AHL team, pour son team dans la Ligue américaine. Ce gars-là, je pense. S'il ne serait pas à Montréal, je pense pas que je jouerais avec. Ben, il est juste à prendre un paire à Laval, puis je pense qu'il aide à Logan Mailloux, parce que Logan, il a fait le match des étoiles. Il est retourné à Laval? Non, ben, quand il a joué avec, là, il est pas à Laval, il est dans le club. Ben, tu sais, on s'entend que... Ça s'est passé quand, Chris? Non, il est redescendu puis il est remonté tout de suite après avec le retour de la semaine de vacances. Voilà. OK. Troisième extrait est en anglais, messieurs. Donc, on a demandé au bon Martin, as-tu une anecdote avec le bon Patrick Roy? We don't got a chance to play against him, which was pretty cool. I don't know, but I know I scored one when I was 12 years old. And I don't think Patrick remembers that, and it's not important, but I represented the Canadians at the Quebec Pee Wee Tournament. And we had every year I think they had a Humpty Dumpty practice where the fans would come and watch the Canadian practice. And then my team went on the ice, and everybody took a breakaway, a shootout, a tap against Patrick. And Patrick Pocheck, you know, he made it easy on us, but I flipped it over him and I scored. And then Mats Naslund took 5 shootout attempts against our goalies, which one of them was Jocelyn Thibault. It's funny. But for me, Mats was my idol, so it was kind of pretty cool to be on the ice with him. And that experience alone was something special. And Astique, c'est hot. Jocelyn Thibault. C'est ça que j'allais dire. Il est tellement anglais qu'il dit Jocelyn Thibault avec un accent. Jocelyn en plus, Thibault. Jocelyn Thibault. Pour qu'il puisse comprendre, pour que l'anglais puisse comprendre. T'sais. Ouais, ouais, voilà. C'était cool, hein, le retour de Roy. Ah, ouais, pour le vrai. C'est hot qui s'est trouvé un. Je suis vraiment content pour on lui. On va parler en troisième, de toute façon, je pense, de ça, de Roy. On va en parler en troisième. Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'allais sauter du sujet. Peut-être que je serais plus ici, mais ça c'est moi qui ai fait du bruit. C'est le chat, Sty. C'est le chat qui dort là-bas. Sty en bas. Tu veux dire de quoi sur Roy avant de t'en aller? Non, je parle pas tout de suite. Ok, c'est bon. On va passer au quatrième extrait d'abord tout de suite. C'était savoir comment Martin a trouvé Joshua Roy à Montréal. Bon. Oh, il y a une belle carte de visite, honnêtement. Là. J'ai été très impressionné par ses touches, où ce qu'il va sur la glace. Ses touches. Puis il doit être fier de. Les touches, je pense. Les 6 matchs. Puis tu vois le potentiel qui est là, c'est encourageant. La première game de Roy là, à Montréal, là, et qu'est-ce que ça paraissait qu'il était nerveux, jeune. Ouais. Ah, c'était cool. Il se cherchait sa glace. Mais oui, mais c'était fun à voir. Mais après ça, une fois que la pression, je pense, est tombée, là, on a vu qu'il commençait à se placer. Là, mais au début, là, c'était comme, waouh, il se cherchait bien raide. Là, c'était vraiment. C'était laborieux. Ouais, là. Mais pas laborieux, comme. Il faisait rien. Il était comme. Une poule pas de tête un peu, là, tu sais. Bon, c'est ça, tu sais, il a goûté un peu à c'est quoi un match avec National, puis après 2-3 games, expérience c'est d'adapter. C'est ça, après une couple de games, ça allait déjà mieux. Non, il est plus là. Ouais, il était capable l'organisation a pu mesurer genre où ce qui était rendu dans son développement. Ouais. Puis je vais souhaiter que, parce que tu sais, il y a eu une très gros début de saison à la base, après ça a comme slacké un peu, on l'a rappelé. Ça a peut-être donné un petit boost, trouve. Ben oui, parce que dans le fond, Laval se bat pour une place en série, puis ils vont super bien présentement. Fait que si c'est, il peut être un impact au club, ouais, puis que l'équipe se rende loin en série. Ça va faire une belle expérience. J'ai vu son premier but. Ça, c'était cool. Ouais. En live, en direct, là? T'étais là? Ouais. Non, ouais. Mais j'étais pas là. Ah, ok, ok. J'ai regardé la TV. Je suis pas allé au Sambel. Moi aussi, j'ai vu son premier but. Puis ce qui me fait rire, parce que pour ceux qui trouvent que c'est important, les numéros des joueurs, là, mais l'organisation a pris la peine de lui demander quel numéro qu'il voulait, puis il a choisi son numéro. Ils ont pas dit tu vas porter numéro 39. Il a choisi son numéro. Good for him. C'est pas comme. C'est qui le petit nouveau qui vient rentrer? Là? Il a joué là, contre Washington son premier match. Gignac, c'est ouais. Ça. Brandon? Ouais, j'écoutais pour la partie du match, j'ai écouté parce que là, j'ai couché ma fille et je manquais tout le match. Mais pour la partie du match, c'est, en tout cas, Pierre, il was singing his praises. Bon. Ouais. Mais voilà. Pierre a joué un très bon premier match. Gignac? Ouais, puis on a gagné quand même 5-2. C'est toujours le fun. C'est la dernière game, là? Ouais. Ouais, contre Washington. Mais non plus, je l'ai vu, vraiment comme peut-être comme 5-10 minutes. Puis pendant que j'ai écouté ça, il y a eu des super bons chiffres. J'ai pogné la fin, puis j'ai vu les deux buts slaves. Puis j'ai fait comme « Wow! Wow! » Deux shots pareil. Ouais. C'est ça, bon, c'est un live à la TV. Pour les trois derniers extraits qui nous restent, on va aller rejoindre Ken Hughes à son bureau via Teams, ça a l'air, parce que des fois, il y a des conférences comme ça. Lui, il fait pas ça dans le salle. Depuis la pandémie, à cette heure, ils se déplacent même plus sur Teams avec pas de coups puis des cernes jusqu'en dessous des poches en dessous des yeux. Pas, le bon Ken. Première question qu'on lui a demandé, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes pour Monahan? Je crois que les équipes qui étaient dans la course pour Lindholm, ils ont viré vers Sean. Alors, ça a accéléré les choses, c'est sûr. Au niveau de si ça a eu un effet sur le retour, on avait fait nos devoirs. On avait pas mal une bonne idée par où le marché ira. Alors, quand on a eu le prix, on était prêt à le faire. Je peux pas vous dire que ça l'a influencé parce qu'on attend normalement que dès qu'un joueur coté sort du marché, que les autres vont virer quand même. Pourquoi on dirait qu'il y a deux yeux au bar noir? C'est non, fou. Non, mais il y a juste des grosses poches. Ouais. Il faut qu'ils prennent le sérum des femmes, là, tu sais, qu'ils mettent pour ça disparaît, tu vois, sur Internet. Ah, mettre des cocons. Non, il y a un petit sérum que tu mets dessus puis ça disparaît, genre, super vite, là. Ah. Je sais pas si ça marche. Le gars, il se filme avec une fenêtre. Il y a vraiment comme des poches en dessous. Des belles poches. Deux hosties. C'est même pas noir, c'est parce que c'est l'ombre que la poche a fait en dessous. C'est de la poche d'un nom. C'est l'ombre de la comme, poche. Quand tu penses à ça, là, la date limite des échanges, il y avait comme Lidrum qui était... Ouais, lui, eux autres, ils ont payé cher. Tabarnak, ouais. Pour ce gars-là. T'as Moynan qui est parti, puis il y aurait juste Adam Henrik comme centre, puis après ça, il y a fuck all, man. Puis là, ils ont tous annoncé des émissions de 12 heures dans les chaînes sportives là, pour la ils date limite des échanges. Ils n'ont rien à dire, comme d'habitude. Ils n'ont rien à se passer. Comme à tous les années. Il n'y a plus personne disponible. Commence à 6h le matin, il se passe à rien. C'est plus comme dans le temps. Ben dans le temps, ça commençait un petit peu slow le matin, puis la brassée te tao à 3h, c'est 3h pour la dernière heure. C'est parce qu'on dirait que, genre, il y a une couple d'années, souvent les équipes attendaient vraiment comme presque à la dernière minute. Là, à cette heure, ça se fait comme, tu sais, on est à quoi, un mois, la date limite? Ouais, tu le fais avant. Quelque chose de même. C'est ça, tu sais, puis on dirait qu'ils s'y prennent vraiment plus d'avance. Puis il y a beaucoup moins de mouvement. Ouais, avant, ça bouge. Parce que là, à cette heure, le monde, ce qu'ils font, ce qui est poche pour les poules de hockey, là, c'est que, mettons, si un joueur est disponible, par prévention, il ne jouera pas à soir. Fait que, tu sais, c'est un peu poche pour les fans qui assistent au match, qui payent 500 pièces le billet. Puis. Ça, c'est juste à Toronto, puis ici, là. Tu vas voir un match en Floride, c'est correct. 5 piastres, puis t'as même à le Phoenix, super. Ça te coûte 30 piastres, t'as le parking inclus, puis un trio avec une bière. Phoenix, c'est là 50 piastres pour donne voir un jersey. Donne un jersey des Nordiques. Il donne ça. Le Phoenix, il te paye. Ouais, c'est ça. Dallas, c'est quand même pas ça fait penser, j'avais oublié de le mettre dans les rounds de NHL, mais j'aurais même des nouvelles sur les Coyotes en troisième période. OK. Tabarnak. Ils ont une nouvelle aréna. La ville a dit qu'il les voulait maintenant. Non, je pense que ça regarde mal. Même Glendale veut même pas de l'équipe. Non, mais moi, je pense que c'est. Je pense qu'ils vont mouver, moi. Qu'ils vont quoi? Ils vont mouver, moi, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, dans le fond, tant qu'à le faire, on va le dire tout de suite. Ils sont dans le caca. Ouais, c'est ça. Un caca solide. Fait que là, maintenant, le club va être à vendre, puis ça pourrait se régler peut-être au cours de l'été. Ouais, c'est good. Ça. Hein, ouais, c'est ben, ils viendront jamais à Québec. Ah, bien ça. Fucking time. Mais il était temps qu'ils allument, Steve. Man, t'as-tu l'aréna, Steve? Ouais, c'est 4500 personnes. Tabarnak, c'est un aréna universitaire, man. Les joueurs disent que c'est une vraie joke. vraiment, comment tu peux prendre ces équipes-là au sérieux? Puis le pire, c'est que c'est des étudiants qui vont là, même, puis ils vendent des billets genre 300$, man. C'est malade. Pour 5000 places maximum que tu peux avoir, puis t'es assis sur un banc de métal, quasiment avec un bout dans le milieu, man. C'est épouvantable comment c'est inconfortable. C'est ce qu'il dit, c'est avant ça, c'est 5$ avec une bière. Puis le gars qui passe à Zamboni, c'est sûr, c'est un enseignant qui enseigne le mathématiques à l'école. C'est horrible, c'est tellement ridicule, c'est une honte. Mais Gary, il était tellement fidèle, mais tu sais, je le comprends parce qu'il faut qu'il montre qu'il prend soin des coyotes pour convaincre les prochains propriétaires. Ouais, si vous êtes en merde, on va vous supporter. Puis ils ont quand même un bon. C'est pas la faute des gars, c'est la faute. La ville veut plus. Tu sais, ils supporteront pas ça, puis ils font pas d'argent. Non, puis Glendale a dit, gars, non, je ne paierai pas. Je te subventionne fuck out, man. Ben, ils font bien. Débrouillez-vous. Même. Ils font bien pour ça devrait. That's how it should fait be. Que là, tu vas peut-être avoir un autre club. Là. Écoute, je pense qu'il parlait de Houston, possiblement. Là, fait que... Ben, pour de vrai, je pense qu'au au Texas, ça marcherait. Ah, Kansas City, non? Missouri? Non, je pense qu'il parlait. Missouri? Ouais, ben Kansas City, sur Missouri. Mais... C'est pas dans Kansas. Ouais. Non, je sais, mais pourquoi ben, il... Je pense pas qu'il l'enverrait là. Ben, vu que ça reste dans le jeu, je pense que Houston aurait plus de chance. Je pense que Houston aurait plus de chance. Houston, ça serait mieux, je pense. Les Astros, Kansas City, c'est une ville de football, man. Je sais pas. Ouais. Il fait frette, là. Mais je sais pas si je joue au hockey. Non, je sais pas. Ouais, mais ça peut-être pas c'est quoi, là. C'est vraiment foot, ouais. Mais... You're not from Missouri. Salt Lake City. Le joueur vedette, c'est André Tourigny. C'est la civile fucky sur une rivière, ça. La moitié dans le Missouri, l'autre moitié dans le Kansas. Prochaine question, on a dit, t'as maintenant un gros trou au centre. Comment tu vois ça d'ici la fin de la saison? Mais on est, on a des raisons d'être optimiste que Newhook devrait retourner prochainement. Alors, ça nous a donné une certaine confiance à François de faire l'échange à ce moment-là au lieu d'attendre plus longtemps. Alors, c'est sûr que on a vu un peu de Mitchell Stevens puis de Condotta depuis quoi, 6 semaines. Puis je pense qu'on va continuer à avoir ce style de joueur qui va nous aider sur le quatrième trio. Il est où son coup? Le message qu'il veut pas dire, c'est que, gars, là, c'est le journaliste. Ah, ben là, t'as un gros tour au centre, mais c'est ça que je veux, le gros tour au centre. C'est ça. Parce que j'ai pas le goût de gagner des matchs. mais là, c'est que... on voit les jeunes. Moi, j'aurais juste, ben, comme ça, on donne les jeunes montés. Puis j'étais tellement c'est content. C'est ça qu'elle dit, tu sais, je veux dire. Je me dis, ça y est, si on va aller dans une série de défaites à 6-10 games, puis tabarnak, on a gagné 5-2, Colin. Ouais, mais c'est Washington. Game, là. C'est moi, j'étais, puis c'était Lindgren dans le net. Comme Gandala, samedi. Ouais, puis c'était Lindgren dans le net, OK? Parce qu'il passait après là, puis c'est Washington. Ben, c'est ça le problème, c'est que tous les clubs comme Montréal, ils mettent leur deuxième goaler, puis ils nous prennent à la légère, man. Parce que les Rangers, ils ont perdu contre nous autres. Edmonton, Esti, ont gagné en prolongation contre nous autres. Tout le monde a de la misère contre Montréal. Ouais. Mais je m'attends que Dallas revienne en force, puis qu'il nous plante solidement. Parce que quand t'as Jake Evans au deuxième centre, là, tu sors pas bien. Ah, puis, c'est, quand même, puis c'est ça qu'on veut, right? Ouais, c'est ça qu'on veut. Fait que tu sais, c'est. That's the point. Puis Newhook, quand il va revenir, mais là, c'est pas un joueur de centre établi encore. Puis je serais même pas surpris que Saint-Louis le mette à l'aile. Ouais, ça se pourrait. Ah non, il fera pas ça. Parce que là, c'est trop évident. On va voir. C'est trop évident. Tu peux pas paraître comme si t'as beau perdre. Tu peux faire comme le GM. Peut enlever les outils si, au mettons, coach. Non, mais si, peut enlever les outils au coach pour gagner. Mais le coach, il faut toujours qu'il mette. Un line-up qui va gagner, qui pense qu'il serait le meilleur pour gagner. Parce que le coach met sa job à lui. Tu peux pas faire ça aux joueurs. Là. Fait que le GM peut enlever les outils. Le coach peut pas faire genre un alignement que tu vas perdre parce que là, c'est le coach qui met sa job à lui en jeu aussi. Le GM va enlever les outils au coach. Puis le coach fait comme, gars, moi, c'est pas ma faute. C'est le GM qui a décidé de trader. Fait que je vais mettre le meilleur aliment, je pense, pour nous aider à gagner. Mais c'est un message caché, mais tu peux pas dire ça à tes joueurs. Est-ce comme, qu'il va perdre les gars? On bench Suzuki, on bench Coach. Non, il peut pas faire comme les Blackhawks sont faits. Mais là, tu sais, vas-tu échanger d'autres joueurs? T'sais, mettons, Savard, tu l'échanges-tu, toi? Si quelqu'un t'offre un premier choix. Un premier choix? Oui. Ben, premier choix, peut-être. Là, okay. Mais à part de ça, si tu veux un premier choix pour Savard, je garderais Savard, par exemple. Ouais. Ben, c'est parce que dans le fond, sur le marché, un défenseur comme Savard, Matheson. C'est ça qui a rapporté à Tampa Bay quand on gagnait la Coupe, un choix de première ronde. Puis il reste un an de contrôle. Ouais, mais j'aime bien Savard aussi pour son. Je pense qu'il apporte. Si tu choisis Savard, Matheson. Un grand frère. Moi, je choisis Matheson. Ouais, direct ça. Ouais. Mais Matheson, niveau... paraît que c'est un grand frère dans la chambre. Ouais, aussi. Mais au niveau talent, mais je pense qu'au niveau ambiance puis tout le kit, je pense que David Savard amène beaucoup à l'équipe. Qui est meilleur, Matheson ou Savard? Matheson. Ben, ça dépend, c'est quoi la question, là, parce que ben, offensivement, c'est Matheson, mais défensivement, ouais, c'est Savard. Oui, effectivement. Parce que défensivement, Matheson, il est mauvais, man. Ah, il y a des bons flashs. Il y a 10 bonnes games, 3 mauvaises games. Il doit être moins 28 à peu près. Ouais, c'est ça, il est très à risque. Mais c'est jamais, c'est pas un vrai défenseur numéro 1. C'est un bon défenseur offensif. C'est un Mark Streit, mais genre c'est meilleur. Un 2-3. Roux qui mange mieux. Oui. Mais les fameux salades avec des citrons. Des carottes coupées en julienne. Si ça va, mettons là, parce que ça va, il reste un an, on n'a pas de presse pour l'échanger. Mais par contre, si une équipe qui ils veulent vraiment l'avoir et qui offre un first pick. Je le ferais parce que j'ai Matheson comme vétéran. Mais oui, mais oui, je pense pas que personne n'est à l'abri. Mais ça nous prend un vétéran. Puis on n'a rien à droite aussi. Il ne faut pas oublier ça. On a Focard à droite, on a Savard. Après ça, t'as Barron que lui, il est pas prêt. Puis t'as Kovacevic. Kovacevic, je pense que je l'échangerais, moi, personnellement, parce que d'après moi, il sera juste. Kovacevic, là, merde. Kovacevic, c'est ça. C'est comme un peu le nouveau Brett Kulak. C'est ça. Exactement. Puis Brett Kulak, il nous a rapporté un choix deuxième round. Tout, là, je trouve, commence à. Evans, là, ben lui, je parle d'un, c'est pas un défenseur, là, mais Evans, là, stick depuis qu'on dirait que c'est fait ramasser par Scheifele, lui, man, là. Asti que je trouve. Ben, c'est un bon centre de quatrième trio. Il est tassable. Il est tassable. Comme Gignac. Gignac, c'est un centre? Non. C'est Stevens puis Condotta. Okay. Ou Claude Barrette. Ah, c'est parce qu'on a collé Gignac à cause Gallagher. OK. Ouais. Parce que j'ai manqué ce bout-là. Mais OK. Stevens. Au centre, il nous manque un quatrième centre. Mais whatever. Mais tu sais, il y a tellement de monde tassable. Je pourrais dire, Evans, il est bon, c'est mise au jeu. Il gagne pas mal de mise au jeu. Ça, c'est, on va y donner. Ben, tout le monde en parle. Martin il a dit qu'il est important, c'est Evans. Il est c'est important, ça. Evans. Ben, écoute, on n'est pas dans la chambre. Hein? Jusqu'à temps que. Tu trouves quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ouais. Voyons, Kent, il décalisse. Ouais, mais l'échange. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui cherche la profondeur, tu sais, un peu comme, mettons, Bergevin qui était cherché Torrey Mitchell, mais Jake Evans peut être un Torrey Mitchell. Tout ça, exact. Contre un choix de septième ronde. C'est ça qui avait coûté. Il reste une question pour le bon Kent. Puis Jeff a écrit question complètement stupide de Jeff Chaumont, en parenthèse, commentaire. La question, c'est est-ce que c'était en début de saison que tu voulais échanger Monahan et pourquoi l'échanger dans une équipe canadienne? Oui, je pense que ça, c'est plus un hasard. Je ne crois pas que Sean veut uniquement jouer au Canada, mais c'est sûr que de l'autre côté, il n'y a aucun problème de jouer au Canada. On voit ça. Au niveau des discussions qu'on a eues, Jean-François, c'était vraiment... Écoute, tu reviens pour un an, on va voir par où on s'en va comme équipe. Puis on prendra des décisions au fur et à mesure, mais je lui avais promis que si on n'était pas dans le course, puis on n'était pas en mesure de lui offrir un contrat, qu'on l'échangera, une équipe qui aura des bonnes chances à jouer. Puis je trouve que, comme j'ai dit, dans le cas de Winnipeg, je pense que leurs plans sont de le faire jouer dans une bonne situation. Et voilà. Il joue sa deuxième ligne à Winnipeg avec Certifi puis l'autre, là, c'est ailleurs. Mais Nicolas ailleurs. C'est une situation de merde, ça. Ouais. Ah, écoute, c'est pas croyé qu'il a perdu sa job. Non, tabarnak, comment ça? C'est quoi le rapport avec l'échangeur d'une ville canadienne? Il est dans l'Ouest, anyway. Pourquoi tu l'échangeur? C'est plus quoi demander. On se connaît-tu de quelle équipe? Mais il a perdu sa job. Qui, ça, c'est Jeff Chaumont? Ouais, il travaille pour le Journal de Montréal, ils l'ont tassé. Fait que là, c'est rendu qu'il y a une chronique à NHL.com. Bon. Bientôt, on va se passer avec un podcast. On a une question, tu vas répondre à ça. Mayu est-tu à droite? Est à droite? Ouais, mais pas à Montréal, il est à Laval. Mayu est à droite? Ouais, Mayu est à droite. Un défenseur droitier. À Laval. Ouais, mais droitier? Il joue-tu à droite? Oui, il joue à droite, mais à Laval, pas à Montréal. On le sait, c'est pas sa question. Il demande s'il joue à droite. Ben, ça va pas aussi qu'il joue. T'as pas quel bord? Donc, dans le depth chart, il est à droite. Il est à droite. Voilà. Il est à peu près au même piédestal que Justin Barron. C'était pas sa question. That's your opinion, man. Barron a joué dans NHL, pas Mayu. Hein? Ouais, mais Mayu. Attends, Mayu a un meilleur potentiel que Barron. National, Justin Barron, on n'est pas sûr encore. Même les fans nous créent après dans le chat. Crie après, malade. Ouais, non, ça c'est non. Il s'est emporté. Donc, on va aller faire une pause et on va revenir pour la troisième période avec un round. Il y a des chiens. Ben ouais, on décante un peu comme un bon vin. On est de retour pour la troisième période. C'est cela. Mais... Around the NHL. Donc, Alex a quitté son camp parce que du monde dans le... Oups, c'était la version de Noël qui est restée là, avec Grelot. C'est pas grave. Joyeuse fête, tout le monde! On a perdu un chroniqueur, donc grâce à M. Neveu dans le chat qui s'est maquillé après les panélistes, on a perdu Alex Galipo. Donc, Alex s'est senti insulté. Rapidement chez eux. Donc, faire une heure de char pour aller chez eux. Donc, voilà. Gling-gling. Gling-gling avec Grelot. Je prendrais une petite bière. Et où la cloche? Es-tu ici la cloche? Ah! Attends, eh bien, voilà. Pendant que j'anime et que je donne une bière à Dave, on est en train de faire le tour de la Ligue nationale. J'ai une ciboire. T'as une ciboire de calice. Ouais, sir. Voilà. Eh bien, voilà. C'est bon, ça? Ben, il faut que tu me l'aies pillé. C'est des bières. C'est pas méchant. Bon, ça se goûte bien. C'est une bière. On va passer tes excuses, M. Neveu, à Alex. Il n'aurait pas fait long à 110%. Ben, si t'écoutais les premiers épisodes de la soirée du podcast, 110% n'aurait pas fait long à la soirée du podcast dans le temps. C'était, ouais. Ça brassait beaucoup. Il y avait plus de boissons aussi que ça. Les vieux Chris. Avant qu'on commence, Jeff, montre-nous le beau cadeau qu'Alex nous a laissé ici. Ah, ben oui, c'est... On va le mettre on va l'encadrer. On va l'encadrer. Ah, c'est... Faut pas se montrer en compagnie. C'est pas grave. Monte un petit peu en haut. Ben là, c'est bien trop proche. Fait que ça, c'est Georges Larac. Ça, c'est Georges Larac qui écrit LSDP, votre ami Georges. Signé. Si, on a un autographe de Georges. Big George. On va le donner à M. Neveu pour avoir fait partir Alex là, comme cadeau. Hein. Faut que tu payes le shipping, par exemple. Donc voilà, on va le mettre quelque part dans notre beau décor ici. Je suis pogné dans mon fil. Le micro. Fait que Georges Larac nous a signé un orthographe. Voilà. J'essaie de comprendre ce qu'il y avait écrit en dessous. Votre ami, Georges. Ah, c'est ça, c'est écrit, votre ami? Ouais. LSDP, votre ami, Georges. Ah, OK. Donc là, on tombe dans le moment du podcast parce que je... Je pensais que c'était le nom du gars qui s'est fait manger, assis. Parce que quand j'ai googlé... Hein? Parce que dans le fond, j'ai fait un copy-paste... Qu'est-ce qui s'est fait manger? Hein? Chris, il n'y a pas eu un procès là-dessus, là. Le gars qui était à l'université puis son coloc l'a Rocco mangé. Rocco Miagnotta? Ouais, le gars. Ouais, Junian? Junian. Parce que quand ce que j'ai fait, tu sais, dans le fond, là, de votre ami. Junlin. Ouais, mais c'est ça. Ça l'aurait. Écoutez des archives de la soirée. Hier, on comprenait pas trop ce qui était écrit en dessous de son nom. Fait que j'ai comme fait un copy-paste sur ce qui était écrit en dessous. Puis quand j'ai fait googler le nom, ça donnait le nom d'une personne qui est mort en Chine. Je sais pas de quoi tu parles. Une anecdote. Fait que là, on tombe dans le bout où est-ce que je lis des sujets. Je sais pas quoi rajouter. Moi, on va enchaîner. On essaie de mettre du temps. Non, mais là, dans le bout où est-ce que genre, je lis une phrase puis JF part sur un monologue de 15 minutes à chaque fois parce qu'il y a des infos sur tout. Donc, Patrick Laine, Ivan Provorov serait sur le trade block. Oui, ben, on sait tous que Columbus, ça va pas bien pantoute. Là. On est son 29e présentement. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'une semaine après que ça s'est sorti, Patrick Laine était allé en thérapie pour boisson. Fait que là, il est plus sur le trade block. Ah, oui, il y a des problèmes de boisson, le jeune Patrick Laine. Tu as vu quoi qu'il y avait? T'sais, le gars, il est bien stylé, mais il a la face d'un orgue. Fait que... Un orgue ou un ogre? Ben, il a la face à Diane Bibo. Des bonhommes, bonhommes verts. Mais tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, t'as des orgues blancs. C'est ça, là. OK, un ogre blanc. Okay. Fait que son Shrek, comme... mais pas vert. Tu sais, ça va pour moi à Columbus. Ils veulent l'échanger. Puis, tu sais, on s'entend-tu qu'il a compté quand même beaucoup de buts en début de carrière, mais depuis qu'il a été changé à Columbus... C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, hein? Mais dans le chat, on demande, est-ce que c'est déjà arrivé que Laine a pas été sur le trade block dans sa carrière? Il a été une fois quand il a échangé, mais après ça, je pense qu'il était quasiment impossible à échanger à cause de son salaire. Puis ça faisait pas de sens aussi s'en départir, mais ils ont jamais été capables de le développer. Il a bien commencé, puis après ça, ben oups, c'est devenu un marqueur de 20 buts. Chris, il avait compté quasiment 50 buts sa première année. Il était quasiment à pied d'égalité avec Matthews. Nice. Puis là, finalement, ben là, écoute, ça s'en va à des gringolants. Il est alcoolique. Il y a-tu comme des veines pétées sur le nez? Ou est-ce que c'est hot, ça? Non, pas encore, mais il est... Les quoi, les veines pétées? À la Robert Charlebois. À la Robert Charlebois. Puis l'autre là, qui était mort, Blanchard. Là, c'est le Blanchard? Qui était mort, il est revenu vivant, c'est ça? Ouais, lui, il faisait le père de Virginie. Oui. Puis il faisait un moteur dans Omerta aussi. Il faisait bien des affaires avec Claude Blanchard. Là, ouais, Claude Blanchard. Grande carrière. Il est né d'un gars qui en a bu un. Il a la face du chien là, qui a plein de rides. Là. Oui. Un pug. Non, c'est pas un pug. Je sais quoi, c'est un Sharpie. Je me souviens pas du nom exactement, mais ouais, quelque chose de genre. Ben, tout ça pour dire que, tu sais, Laine. Ou le même nick Pierre Curzi. Provorov. Exact. L'affaire qui est drôle, c'est que les Flyers l'ont échangé cet été, puis là, tout d'un coup, il est encore sur le trade block. T'as ça tes doigts. Fait que ça va pas bien à Columbus, puis je pense que le DG Jarmo Kekalainen va se faire crisser dehors. Puis même Adam Fantini, le gars apparemment qui aurait stoulé Babcock d'avoir fouillé dans les cellulaires. Babcock. Là. Mais ça c'est lui qui a stoulé Babcock de ça? C'est ce qu'on présume parce qu'il parlait des recrues, puis lui il a 18 ans. Fait que moi je présume que ça soit lui. Il a pas aimé ça parler de son été. Non, pas en tout. Et puis. Pas que tu saches t'aller au glissade d'eau. Ça a l'air qu'un environnement toxique, puis c'est beaucoup de joueurs à Columbus qui veulent crisser leur camp. Fait que moi, je pense que le président, qui est John Davidson, qui s'appelle, puis Kekalainen, ça va se faire crisser dehors cet été, cette gang-là. Prédiction. Le ménage. Le ménage s'en vient. Ah, on n'a pas de nouvelles. Oh, non, c'est pas ça. On n'a pas de nouvelles là-dessus, mais il n'y avait pas des rumeurs qu'il y en aurait eu Caco, je sais pas quoi, là. Ah, boy! Ben, c'est parce qu'on a perdu une des rares de dire qu'on l'appellerait juste Caca-Popo s'il venait à Montréal, je pense. C'était juste ça, là. Ouais, ben écoute, à cause de la valeur d'échange de Moynahan, le monde a commencé à penser que Caco pourrait être échangé pour Moynahan. Ah, c'est ça, OK. Tu sais, dans le fond, Caco, esti, ça va juste pas bien, ces affaires, là. Le monde le voyait comme le prochain Timo Selanne. Puis finalement, il est comme plus... tabarnak. Le gars, il a pas plus que 40 points par saison depuis qu'il est là. Il a de la misère à éclore, puis il est comme enterré vivant à New York. Je serais pas surpris qu'il se fasse échanger cet été parce qu'il est sur le trade block, mais d'après moi, tu sais, Moynahan... Moi, je pense qu'il aurait été capable, New York, d'échanger un gars comme Caco pour Moynahan, qui est un joueur de location, mais regarde ce que... Le prochain point que les Canucks ont donné pour Elias Lidholm. Mais ça et tout, là, c'est une autre affaire qui est intense. Hey, man... Un choix de première ronde pour un joueur de location d'une couple de semaines. C'est rendu la norme, c'est rendu malade. Là. Parce qu'il n'y a rien sur le marché. T'aurais jamais vu ça avant. Là. Ben, une statistique qui est vraiment drôle, là, c'est que Bergevin, depuis qu'il était à Montréal en 2012... Il en a passé des pas pires. Hein? Oh, ouais. Il n'a jamais été capable d'aller chercher un choix de première ronde par transaction, sauf une fois... Au chalet. C'est quand que Kotkaniemi a signé un offer sheet avec Caroline. C'est le seul choix de première ronde qu'il a eu en retour, puis il l'a scrappé pour Christian Dvorak. Kent Hughes, depuis qu'il est à Montréal, ben ouais, on a échangé le choix de première ronde. La compensation de Kotkaniemi, on l'a donné à Phoenix pour qu'il s'en aille chercher Dvorak. Hey, Dvorak, là, man, sérieux, ça en est un moins, ça? Et Chris, il est blessé. Comment tu veux qu'il soit plus ou moins que ça? Lui, il est moins. Non, non, mais lui, il est moins tout le temps. Ah, même blessé, il est moins. Il est steady sur le moins, lui, esti. C'est le trade block. Ah non, esti, il a tellement un gros problème d'acné. C'est incroyable, ce gars-là. C'est débile. Mais, fait que Bergevin, lui, jamais été capable de chercher un choix de première ronde, mais Kent Hughes, depuis qu'il est à Montréal en 2022, il y en a eu 5. C'est fou, hein? T'as un gars que t'as à l'école. En 10 ans, un choix de première ronde compensatoire parce que t'as pas fait ta job, puis l'autre, il y en a eu 5. Ah, oh, mais ça va pas bien pour KK présentement. Écoute, ouais, je pense qu'il y a genre 3 points en 27 non, games. Il y a eu un esti de bon début. C'était fulgurant saison, et ça a droppé aussi rapidement après ça. Ben, KK est redevenu KK. De ce que j'ai entendu dire, c'est que ce gars-là, il aime pas ça avoir des conseils de quelqu'un d'autre puis se faire dire quoi faire. C'est une tête enflée. Mais il a l'air de ça d'un petit enfant roi, genre, que, ça, dans sa vie. Là, juste genre, un petit enfant de chien. Tu sais, lui, genre, ses parents devaient tout y donner. Là. Son père est coach de hockey, fait qu'il l'a coaché quasiment toute sa vie. C'est ça, fait qu'est-ce qu'il mettait sur un pédestal. Comme Galchenyuk un peu, où que son père dessinait tout, sauf que Galchenyuk a fini. Il connaît le hockey, moi, j'en avais ça. Mais Galchenyuk a fini qu'il a failli stabber quelqu'un d'un gosse, là. Ah, man, ça. Il joue en Russie. Ouais, puis on n'entend plus parler. C'était-tu entre deux podcasts ça, que c'est arrivé, qui s'est fait arrêter avec la, puis les vidéos? C'est arrivé, non, c'est arrivé c'est les, au début de la saison. Ah, ouais. Juste avant le début de la saison. On en avait parlé. C'était weird. Hein, pauvre Chucky. Là. Ça faisait pitié. Ah, il était chaud. Là. I'm gonna end your bloodline. Il veut se mettre contre Reigns. Je cherchais un vieux truc d'un vieux podcast qu'on avait bien ri l'autre fois. Puis j'ai pogné un podcast où ce qu'on parle de Galchenyuk. On peut pas aller voir les affaires. Pas l'affaire avec sa blonde. Là, que, non, non, mais, non, mais esti, on l'encense. Ah, oh, mais... On l'adorait au début. C'est bon. Toi puis moi, là, on en parlait comme esti, c'était le prochain... Ben, le prochain dieu. Ah, c'était Christ, c'était notre sauveur. J'avais gagé 20 pièces avec Alex aussi parce que je me disais qu'il a fait plus de points que Plekanec. Oui, c'est ça, c'est Chanel. Mais si, on a vu encore. C'est un vrai fan, Chanel. Ben, c'était quand Galchenyuk s'est fait pogner dans sa chambre d'hôtel, pas dans sa chambre d'hôtel, mais dans le condo à sa blonde qui était beaucoup plus vieille que lui. Les écouteurs, pas cher. Il, sa blonde l'a pogné en train de... retenu par la longueur du fil. Avec d'autres demoiselles dans sa chambre, puis Devante dormait dans l'autre chambre. Wow! Puis c'était Patrick Lagacé qui a sorti la nouvelle dans la presse. C'est là qu'on a pogné, mais où était Devante? C'est là qu'on a parti ça? C'est de là que ça vient. Wow! Les classiques qui ressortent. Les classiques. Est-ce que c'est hot? Prochaine nouvelle, Patrick Roy devient le nouveau coach des Islanders et le propriétaire des Sénateurs commente la nouvelle. GF a des infos. Ouais, parce que tu sais. Comme à chaque point, c'est l'équipe GF a des infos. Je me souviens, le petit tata là, à RDS, là, Normand Flynn. Ah, oh, Normand Flynn. Ouais, qui disait que Patrick Roy était vu au Burger King à Ottawa. Puis, tu sais, je passe pas des fins de semaine à Ottawa, il n'y a rien à faire là-bas. Là, fait que d'après moi, dans sa tête, il se disait qu'il allait rencontrer la direction parce que DJ Smith et l'autre Chris d'imbécile, Pierre Dorion, se sont fait mettre dehors. Ottawa. Mais là, finalement, mais ça n'a jamais arrivé. Puis Lou Lamoriello, qui a 81 ans. Il a-tu 81 ans? 81 lui, ans, c'était il n'y a pas 181 ans. Il a l'air. Tabard. Il est sur le bord. Mais il a engagé Roy. Ce qui est quand même incroyable parce qu'on s'entend-tu que c'est comme deux personnalités, genre vraiment pas pareilles pantoute. Un hostie de feu. Puis Lou a dit à Roy, genre. Coupe ta barbe. Ouais, coupe ta barbe. Rase-toi. Ouais. Parce que, dans le fond, lui, dans sa tête, il a encore la mentalité. Puis Roy, il a dit que c'était l'affaire la plus weird qu'il avait eu à faire. Coupe ta barbe, ouais. Il a dit pour revenir à la nationale, ça ne dérangeait pas de la raser. C'était correct. Mais non, mais c'est ça. Mais il a dit que c'était vraiment weird de couper ça parce que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y a une barbe. Là. Ouais, ouais. Écoute, je pense que depuis son temps junior, ben junior, dans le fond, dans le temps qu'il était avec les remparts. Mais non, quand il a gagné la coupe, il n'y a pas de barbe. Mais il n'y avait pas de barbe quand il a gagné la coupe Memorial avec. Non, la coupe Stanley, il n'y a pas de barbe, de toute façon. Quand il a gagné la coupe Stanley en 93, il n'y a pas de barbe. Non, il y avait un pinch. Non, il y a eu un pinch, oui, un mardi. Mais dans le temps des playoffs seulement, là. Ouais, mais quand il a gagné la coupe, me semble, genre avec les bras dans les airs, il n'y a pas de barbe. Il y avait un pinch. Il y avait un pinch? Il y avait un peut-être un pinch, mais je veux dire. Sa barbe de vieillard. Le joueur n'avait pas une barbe. Non. Il commençait à avoir une barbe quand il a commencé à coacher. Quand il a demandé à son fils de casser. Ok, tu veux dire comme coach des remparts. Quand il a demandé à Jonathan Petaille, le petit jeune, il y avait une barbe, me semble, dans ce temps-là. Qui était son fils de Petaille? Puis, tu sais, écoute, là. Jonathan, lui. Le chanteur. Il se microdose. Ouais, écoute, le gars, il fait des genres de théâtre style Broadway. Là. Il a fait le Bossu Notre-Dame. Oh, mais ça fait longtemps de ça. Là. C'est au début de sa carrière là, de chanteur. On parle de combien de temps, ça? Ah, ça doit faire au moins 10 ans. OK. Mais en tout cas, il chante. Il a une carrière. Il est établi. Il est bon aussi. Il microdose tout. Il est bon. Il est microdose. Il est sur le moche à côté, ce gars-là. Ah oui. Jonathan, Il y a du ça où? Tout le monde en parle. Je l'ai vu dans des podcasts. Ah, ben oui. Tout le monde microdose un podcast, on sait bien. Non, mais il s'est même fait faire un tatou de champignon. L'affaire qui était triste dans la drôle en ce gars-là. On dit qu'il se maxidose. Ouais. Lui, à la fin de la journée, c'est une maxidose. Lui, là, genre, Jonathan, ouais, là, il disait qu'il était. T'sais, lui, il est comme dans une relation de couple ouverte. J'ai pogné ça aussi. Puis son père l'a pas pogné dans le spa. Son père l'a pogné dans le spa. Avec des danseuses, avec un autre. Non, dans le tank. Avec des danseuses, je sais pas quoi. Les danseuses, genre de son affaire de, lui, de sortait, Broadway. Lui, il sortait, genre, puis là, il allait, mettons, il dit, j'étais capable de. T'sais, j'avais comme la dernière, il m'a ramené des filles, là, des danseuses. Fait que là, il sortait. Puis il se ramenait des danseuses. Avec un de ses chums, puis là, il était dans le spa. Puis là, il était en train de se faire. Il a raconté ça aussi, live, à tout le monde en parle. Non, dans un podcast. Puis il a dit, à un moment donné, je check, puis je vois mon père dans la fenêtre, puis il est là, puis il regarde, mais il était pas là, son père. Il pensait qu'il était là, puis c'était dans sa maison à Québec, parce que, tu sais, il y a un beau setup. Il dit, dans sa maison, là, à Québec, il y avait un beau setup, là, il y avait un spa, il devait rentrer, genre, 20 personnes dans le spa. Ouais, mais la question, c'est, ça faisait combien de temps qu'il le regardait? Depuis le début, là. Genre, il a-tu attendu, l'éruption? Mais il l'a déjà dit, Jonathan Roy, que, tu sais, genre, lui, là, quand il était jeune, son père, sa mère, ça se promenait tout nu dans la maison, là. Bateau vent, tout, là. La mère, ça, bateau vent? Ben, la mère, bateau vent, puis le père aussi. Les deux. Ben, Patrick, gros clito au vent, là, ça. Mais l'affaire qui est triste pour Roy, là, c'est que, tu sais, je peux comprendre que c'est une personnalité qui est aimée au Québec. Mais après qu'il a été embauché, là, c'est incroyable là, la couverture qu'il a eu ce gars-là. Et je pense qu'il y en a eu plus au Québec qu'il y en a eu à New York. Ben oui, puis, mais c'est normal. C'est le retour de Patrick dans la ligue. Là, c'est le premier match. C'est notre roi, man. De Roy contre Vancouver. Je pense qu'ils ont joué, je me souviens plus trop. Là. Mais Calis, TVA Sport, là, on a mis première étoile. Puis d'habitude, quand que genre, les joueurs ont des premières étoiles, on là, a mis c'est la première étoile, un but, une passe, puis le gars, il a fait. taux de chapeau, peu importe. Là, lui, c'était première victoire. C'est comme, asti que c'est quétaine. Ah, ça, c'est quétaine dans la crise. Calice. Puis après ça, TVA Sport, grosse annonce. Nous allons présenter les 10 prochains matchs des Islanders sur nos ondes à TVA Sport. Après qu'il y en ait perdu deux de suite, ils ont dit, on va pas présenter les 8 prochains. Ben, c'est parce que la fin qui est drôle, c'est qu'on présente les 10 prochains matchs, sauf celle contre le Canadien, parce qu'on n'a pas les droits de télévision de, ouais, de ça. Ça. Écoute, c'est du gros n'importe quoi. Là. Ça achève-tu, ça, si, TVA Sport? Je pense que oui. Je comprends. Mais merde, sérieux, là, ils ont acheté les droits pour le UFC en plus. Là. Ah ouais, depuis quand? Et là, c'est eux autres qui les ont à cette heure. Qui va commenter ça? Kevin Raphaël? Ah, oh, tabac. Non, mais ça a l'air, en plus, que ça a l'air que Patrick Côté est supposé d'y aller. Ah, pour mais eux, là, Pat Labrade? Non, pas Pat Labrade, c'est la lutte. Ah, oh, le gars qui a les oreilles en champignon. Ouais. Mais lui, bon, lui, il était bon, là. Côté, il était RDS, lui? Oui, puis ça a l'air qu'il l'a engagé à TVA pour qu'il suive. Mais là, il était à Big Brother. Là, qui est mort? Chartrand? Jean-Paul Chartrand, il est mort. Ouais, il est décédé récemment. Ouais, ça fait pas longtemps. Jacques Duval aussi. Jacques Duval est mort, ouais. Le joueur de football? Non, le chroniqueur automobile. Le gars qui faisait le guide de l'auto, là. Non! Ouais. Mon frère, il l'imitait, il se tirait, il joue de main. Puis, Tortora, es-tu mort, lui? Tortora, non. Il est vieux, en Tortorella, Tortora. Ah, tu parles de Dominique Toretto? Christian Tortora. Toi, tu parles de Dominique Toretto? Ah, non, non. Il meurt pas, la famille. Dominique Toretto? Non, toi, tu parles du français qui anime les autres. Ben, le gars, là, il pue ses pistes. Christian Tortora. Il est en studio, là. Christian Tortora. Il est pas. Mais... Ah, on, est, loin, là. Il est vieux à Chris, lui, par exemple. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Lui, toi, il a marqué Tortora, là. Non, mais Tortora aussi. Puis le français qui anime le patin artistique aux Olympiques, il est mort, lui. Oh, triple accès. J'espère que non. C'est un trésor national, ce gars-là, man. Quand t'as de la misère à dormir. C'est un français. Oui, mais t'écoutes. C'est un français. J'imagine, mais il commandait pour le faire. Français. Il y a une voix douce. C'est un français, mais c'est un gars de la Beauce. Il y a une voix douce. C'est un gars de la Beauce qui parle avec un français. C'est un gars de la Beauce, mais... Sérieux? Mais non. Mais il parle de même juste à la télé. Quand il parle en vrai, c'est ça qu'il fait quoi, Joal? Il a un petit accent malade, là. Ah ouais? Mais non. T'es à boire. Mais Chris, les gars, man. Combien il y a eu de modèles? Soyez donc sérieux un peu, aussi. Rigard, ici, là. Bon, hey, c'est quoi son nom? On était à la soirée du podcast, ça, là. Qui est ce Tortora-là? Non, le gars qui. Christian Tortora, je pense, c'est son nom. Non, le gars qui fait du patinage artistique. Ah, je sais plus. Ah, lui, je me souviens pas de son nom. Mais je me souviens. Il était carré. Bien dès qu'il te parle. Mais, lui, il devait faire les intros d'une tonne de rap. T'endormirais-tu sur sa voix? Ben, crissement, oui. J'espère que, mettons. Moi, non, tu sais pourquoi? Non. Parce que je serais tout le temps sur le qui-vive, parce qu'il parle doucement, puis à un moment donné. Quelqu'un fait un triple axel, puis. Et là, la musique est douce, et elle s'en va languement, et il y a mimi. Triple axel! Si, même! Et les aiguilles de VU. T'as-tu déjà écouté des audios de méditation? À la fin, tu as toujours un bruit de gong pour te réveiller. Un bruit de gong, c'est quand même pas si pire. Ça revient au même. Ça fait genre. Toum! Puis tu sais que ça sent bien aussi. Étire tes orteils, ton gong, il est pas nowhere aussi. Genre, t'as comme un petit avertissement que ça sent bien. C'est quoi son nom à lui déjà? On le sait plus. On le sait pas. On le saura jamais. En passant pour le sujet d'abord. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une bonne idée. Mike Ribeiro, encore lui. On a fait du chemin là sur. Je sais pas qui. Tortora. Ça partait sur Patrick. On dit que c'est Tortora dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Mike Ribeiro fait face à des accusations d'agression sexuelle et pourrait faire 20 ans de prison. Ouais. Il a été encore accusé, le petit tabarnak de Mike Ribeiro. Mike Ribeiro. Il est accusé d'accusation sexuelle. Ouais, puis c'est pas une première. Attends un peu. On est-tu surpris? Puis c'est pas une question rhétorique. Là. Non, c'est genre, on est-tu surpris? Ben, je connais déjà la réponse. On se souvient qu'à Dallas, il a été accusé d'avoir tenté d'agresser sa nounou. Ouais. Fait que ça, on le savait déjà. Puis là, c'est d'autres accusations parce qu'écoute. Ah, c'est une nouvelle, OK. Là, c'est une autre nounou. Puis, lui, il aime les nounous. Nounou. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais dans les légendes urbaines qui pourraient être vraies, Mike Ribeiro, dans le fond, c'est un Portugais. Le monde le savait, c'est un Portugais. Ribeiro, c'est portugais. Il mange bien du poulet. Fait que là, il était aux danseuses. Il est tombé dans la plotte. C'est ça. L'équipe baissée. Il y a eu un kick sur une danseuse. Il n'a pas mis le condom. Il l'a mis enceinte. Pis son père, il a dit, mon petit tabarnak en portugais, tu vas marier puis tu vas lever ton enfant avec elle. Fait qu'il n'a jamais vraiment aimé sa femme. Puis en plus, quand il croise les autres femmes, il montre les tatous de ses enfants aux autres femmes pour dire, ça, c'est mes enfants, tu veux fourrer. Pis là, il aurait agressé deux femmes, puis ça serait pas une première fois. Là. Écoute, je l'ai déjà vu dans un bar sur Saint-Denis, puis il ne fait... Lui, il est parké sur le bar, puis tout ce qu'il veut, c'est... Il attend juste, là. Ouais, si la jupe, genre... Ça il attend près, les petites. C'est entre, je te dirais, 30 et 40 centimètres, là, il va dessus. Mais l'affaire avec Mike Ribeiro... Ouais, non, c'est trop vieux, ça. Ouais, c'est ça, j'ai quand même pas qu'il prend vieille. Mais écoute, tu le regardes aller, là, puis lui, le gars... ça sent pas un peu le pipi, genre, il touche pas à ça. Non, puis il y a la face d'un gars qui est su des pare-brises esti à Montréal. Il y a la face d'un gars, man, que lui, s'en moi, je trouve que c'est lui qui a la face du gars qui jetait les cuillères, là, dans le temps de l'autobus avec Michel Therrien. Ah, probablement. C'était lui, mais il brûlait au fond. Mais finalement, après le procès qui a vraiment pas duré longtemps... On dit que c'était comme ça à Rouen dans le temps du Junior avec les Huskies pour Ribeiro. Ben oui, il doit avoir plein d'enfants à Rouen en plus. Mais des là, enfants à Rouen. Mais là, Métis de Rouen. Il allait dans les réserves. Parce qu'il était acquitté des deux accusations d'agression sexuelle. Okay. Il était acquitté. Ça a été révélé récemment. Bon. Il est acquitté. Regarde, on n'en parle plus. Jusqu'à temps qu'il y en ait un autre qui décide de sortir l'information. Parlant de... La prochaine sera peut-être la bonne. Ouais, ça dépend de quelqu'un de nounou. Hein. Là, on va faire. On retombe encore dans le très très louche, puis il n'y a pas tant de gags à faire, mais scandale, l'équipe Canada Junior. Ça, c'est sérieux, c'est triste. Les cinq joueurs qui se sont rendus à la police, donc Michael McLeod, Kyle Foot, fils de. Ah, c'est le fils d'Adam Foot, je savais pas. Oui, Calis. Dylan Dubé, ou Dylan Dubé. Je sais pas. Dylan Dubé. Dylan Dubé. Carter Hart, Alex avec le fort menton. Et Jeff a des infos. Comme si c'était parti de la liste des accusés. Fort menton. C'est le seul qui joue pas dans la ligue. Ouais. Non, parce que lui, il était déjà. Il était avec les sénateurs. Il était sûr d'avoir une offre de contrat qualitative, dans le fond. Là. Puis les sénateurs, ils ont décidé de ne pas le signer. Fait non, que là, il est allé en Suisse. Il est allé en Suisse. Ouais. Puis juste Dylan Dubé, avant qu'il s'absente pour des raisons personnelles, les Flames ont sorti une annonce pour dire que. Dylan Dubé doit s'absenter parce qu'il y a des problèmes personnels. Un peu comme, mettons, Drouin. Genre la police de recherche. Là, c'est... Mais c'est pour ça qu'on voulait dire. Il a dit que le gars, il a des troubles psychologiques et il a besoin de temps pour se replacer. Fait que là, Chris... C'est sa sale damage control, là, ça. Là, ben, le pire, c'est que quand tout le monde a su après ça que c'était pas pour ça pantoute, ils ont commencé à pointer du doigt l'organisation des Flames. Ils ont dit « Hey, tabarnak, Chris! » Il dit « Ah, on n'était pas au courant qu'il avait violé une fille puis qu'il s'en allait se faire arrêter par la police. » Fait que les Flames ont eu l'air cave, comme d'habitude. Puis ce qui est drôle, c'est que le DG, c'est Craig Conroy. Fait que lui, vraiment, là, c'est son premier scandale en tant que DG. Il a remplacé Brett Chevrolet, qui était cave lui aussi, mais qui est rendu à Toronto. Ben lui, il est encore plus cave, Chris. Rendu dans le podcast. Tout le monde a entendu. Puis là, c'est ça. Là, t'as l'avocat de Mr. McLeod. Mr. McLeod. Qui avait dit que lui, puis il l'a dit là, avec genre un ton vraiment là, comme ferme. Mr. McLeod, on va déclarer non coupable. On va se battre jusqu'au bout. La fille était consentante. Là, je vais dire quelque chose qui peut choquer certaines personnes. Selon l'avocat de McLeod, si jamais vous voulez savoir c'est qui, là, il a dit que la fille était consentante, que 8 garçons ont voulu coucher avec elle un après l'autre en même temps, un peu comme l'épisode de Jeannette Bertrand sur le viol dont on a parlé il y a quelques années, où ce que c'était la Justice League qui fourrait le chaperon rouge, puis Christian Bégin capotait parce que sa fille, la fille, elle filait pas, puis il pouvait pas la toucher, tout ça. C'était vraiment intense. Mais là, ce que j'ai appris récemment, c'est que les joueurs sont tous en fin de contrat, sont présentement payés. Même s'ils sont absents, sont présentement payés par la Ligue nationale. Mais Bettman a déclaré au match des étoiles, après qu'il y a eu le concours de débilité, puis le remerciement pour les commanditaires, que les joueurs violeurs ne reviendront pas à la Ligue nationale. Selon lui, il serait surpris qu'ils reviennent. Fait qu'eux autres, leur contrat finit cette année, puis ça, c'est fini. Je veux dire, ben, OK, mais. Je suis tout à fait d'accord avec ce propos-là, mais tu sais, je veux dire. Il faut qu'il soit accusé. Oh, ben, ça, c'est pas à la Ligue de faire ça. Ça va prendre 18 mois à peu près pour que le procès ait lieu. Ben, il reviendra pas dans la nationale. C'était un statement at large, là. C'était plus comme. Je vous préviens. Les joueurs violeurs ne reviendront pas. Ce qui devrait être la normalité de toute façon. Ouais. Parce qu'en principe, tu devrais aller en prison de toute façon. Tu sais. Ben, ils sont encore payés, par exemple, jusqu'à la fin de leur contrat. Ben, Puis Christian Bégin, lui, est-tu payé au complet? Pas bien, Christian Bégin s'est rendu, qui fait des annonces du GA. Christian Bégin. Mais là aussi. Il a parlé de Jeannette Bertrand qui savait jouer de viol, je sais pas quoi. C'était pas l'amour était avec un grand A. Ma mère, elle me faisait écouter ça pendant que je jouais. Il a 35 ans, là. Non. Tu sais, peut-être que je jouais avec mon Batman et mon Robin, moi je voyais la Justice League. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Ok, je comprends la rien. Non plus. Je pensais qu'il y avait comme un party d'Halloween puis un viol collectif dans une émission de Jordan Bertrand. Ben, moi j'ai phase out à ce moment-là. C'était des gars déguisés en Justice League. Puis je me souviens, j'ai l'image de Robin et de Batman, style Adam West, là, des années 60, qui violait le Chaperon Rouge. C'était une émission sérieuse là, sur le viol. Mais ça se peut, c'est le genre à Jalette, ça. Sur l'amour est un là, grand là, A. Là, il va falloir faire des recherches. Moi, là. J'ai phase out quand tu parlais de ça. Je comprenais rien. Ben, tu sais pas l'amour est un grand A? Non. Ah, moi, je sais quoi. Moi, je sais de quoi tu parles. Ça se peut. Ça jouait les vendredis soir, puis après ça, ouais. Ça soupait. Des sujets avec très sérieux. Victime, puis ça jasait. Ah, mais c'était. Oui, OK, mais c'était. Ouais. C'était des fictions, là. C'était une fiction, c'était pas une émission d'entrevue. Non, ouais, ça, c'est toi, tu parles de parler pour parler, là, je sais pas quoi, là, qui dînait avec une table. Il y avait une émission, puis après ça, ça parlait du sujet avec des vraies victimes. Parler pour parler. Moi, il y avait eu un avec un grand A, qui c'était Marc Labrèche avec son père, là, puis genre, ça se broyait des bras. Ben là, c'était là, Jeannette Bertrand, ça, mais il faisait une émission, mettons, de une heure. Puis après ça, ça soupait pendant une heure pour parler de l'émission avec des gens qui ont vécu des choses similaires à ce qui s'était passé. Puis là, c'était un épisode de viol. Puis là, dans le fond, la raison pour que je fais un parallèle, c'est parce que la fille s'est faite violer par 8 gars. Là, il y en a 5 qui ont été accusés parce qu'ils n'ont pas de preuves, c'est 3 autres. La Justice League, t'es combien? La Justice League, sont peut-être 8 à peu près. C'est ça le lien. Il était 8. Le lien, c'est le lien. Fait que dans le fond, c'est vraiment intense. On apprécie ton knowledge. Batman? T'étais déguisé en Batman? Non, il était déguisé en joueur de hockey. Ouais, il avait son Batman, par exemple. Ouais. Puis là. Oh, si j'avais un rim. Il reste encore 3 joueurs qui n'ont pas été nommés parce qu'il n'y a pas assez de preuves encore. Mais ça pourrait sortir. Puis il y a des fortes chances que ces 3 joueurs-là soient des joueurs d'impact dans leur club. Ouais, là, il y a le monde qui disait genre, ils vont sortir un nom à la Kyle Makar ou. Non, parce que lui, c'est un des seuls qui avait un alibi. Puis il y avait aussi Victor Mété qui avait un alibi. C'est les 2 seuls. Qui ont des alibis. Non, mais je dis Makar, là, mais tu sais, je veux dire, le monde disait, ils vont-tu nous sortir un nom à la Kyle Makar, tu sais, comme un nom, genre vraiment, comme d'un. Ouais, ben, tu sais, comme les joueurs qui peuvent être possibles, mettons, quand tu regardes l'alignement, tu as Drake Batterson à Ottawa, qui est un gars de 30 buts qui gagne 6 millions par année, à peu près, je pense. Tu as aussi Jordan Kyrou, qui fait partie de la liste de suspects, si on peut dire ça de même, là. Puis, il faudrait que je regarde les autres listes, mais c'est les 2 gros noms qui me viennent à l'esprit. Dans le chat, on demande si l'équipe Canada avait un compte de côté pour payer les victimes de viol. Ben c'est là que ça a fait de la merde parce qu'ils ont découvert que. Mais là, je pense que vous le saviez, on en parlait au bye-bye. Oui, mais c'était pas l'équipe Canada, c'était au Québec. Là, c'était la Ligue. Ils ont payé les victimes. Ils ont donné du hush money pour qu'elle ferme sa gueule. Puis finalement, il y a un journaliste qui a tombé sur l'information, puis c'est là que ça a sorti. Mais ça, en même temps, là. Puis je vais pas dire que c'est correct. Au contraire, c'est vraiment pas correct. Mais tu sais, je veux dire, ça, ça arrive souvent. Ben oui, mais ça date pas d'hier. Hein? De quoi? De que ce serait hors cours? Mais de donner de l'argent à des victimes pour non, qu'ils se ferment la gueule. Mais oui, mais que t'as un fonds de prévu pour ça, ça, c'est assez louche. Là. Ça, c'est grave, honestie. Parce que ça dit que ça... Mais on va garder de l'argent. On sait qu'il y a beaucoup de viols, mais on va tout faire les victimes du sacrement. Tu veux pas attaquer le problème à la base? Je vais comparer ça, mettons, avec tout ce qui est... Tout ce qui est, mettons, je vais dire, tout ce qui touche à la popularité, fait que l'art, le cinéma, le Chris, la lutte, même le style, ils en ont tout de l'argent pour ça. Là. C'est pas indiqué que c'est un fonds qui sert à ça. C'est pas dit, là. Non, hey, on a un compte pour les viols. OK, c'est bon. Je peux en faire combien cette année? 3. OK, c'est bon. 3 plus que 3 par personne. Pas plus que 3 par personne parce qu'après ça, le fond va être vite. Moi, j'en ferai pas. Je vais en faire 6, moi. Mais depuis que le MeToo est sorti, là, c'est rendu une vague de gens qui... Le MeToo? Qu'est-ce que t'as dit? Le MeToo? La vague du MeToo. Le MeToo. Le MeToo. L'allée de la viande. Avec le MeToo qui est sorti, dans le fond, là, t'as de plus en plus de cas comme ça qui sortent. Là, tu sais, ça peut le reculer loin en arrière. J'ai-tu vraiment dit ça? Je sais pas, ça tenait juste bizarre. Là. Fait que là, il est tard. Là. C'est là que ça devient grave. Puis, tu sais, ça sera peut-être pas la première histoire, mais là, eux autres se sont fait pogner solidement parce qu'ils ont... Écoute, là, Chris, 8 gars, man. Puis la manière que ça s'est passé, là, si vous avez attendu l'histoire... Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, dans le fond. Là. Je veux dire... Chris, toujours. Ça va sortir après, là. Puis, tu sais, je veux dire, là, t'en entends parler d'équipe Canada, mais... Équipe États-Unis, ça peut avoir arrivé ça aussi. Ça peut être arrivé. Et voilà, là, tu sais, on s'entend. Les ligues de garage. Les Américains, là, je pense pas qu'ils sont blancs comme neige. Là, non, surtout pas au football, mais, tu sais, au football, dans le fond, quand t'es suspendu, t'as une augmentation de salaire parce que t'as violé quelqu'un, tu sais, parce que... Faut que tu payes les frais de cours. Entre autres. Mais ça va être à suivre. Ah non, ouais, là, en tout cas, dans 18 mois, on en rit et on dit de la merde, mais c'est très, très simple. On dit les Russes, c'est les gens clean. Ouais, ouais, oui, partout. Tout est clean partout. Surtout les Russes. Les Russes sont clean. On va le suivre, mais là, dans le fond, écoute, c'est spécial pareil parce que là, c'est 5 joueurs de la Ligue nationale. Puis là, c'est fini pour eux autres. Puis il y en a 3 autres à venir. Peut-être que ça va sortir d'ici le procès parce que c'est dans 18 mois quand même. Mais écoute, il y a des têtes qui vont tomber dans la Ligue nationale. Ben, il n'y aura pas de suspension. Ils vont juste plus jouer. Ben voilà. Le cas de Lindholm, on en a parlé un peu tantôt. T'avais-tu d'autres trucs à y dire pour les Rangers qui étaient dans la course pour aller chercher puis finalement échanger au Canucks? Ben c'est ça, parce que dans le fond, cette année, le draft va être à Vegas, puis le propriétaire de l'amphithéâtre, c'est le propriétaire des Rangers, puis il a dit à son DG, t'échanges pas mon choix de premier rang, même si on est dans la merde solide, parce que je veux faire un show pendant le draft. Qui a dit ça? Le propriétaire. De qui? Les Rangers de New York. OK. Mais qu'est-ce que c'est? Les Rangers et... Ben, les Rangers, parce que dans le fond, leur troisième centre, qui est Chitil, il est blessé pour l'année, commotion cérébrale. Fait que là, eux autres, ils voulaient avoir Lidholm, mais ils donnaient du caca pour l'avoir. Puis quand tu regardes ce que les Flames ont reçu, écoute, ils ont reçu un joueur de KHL qui a fait 74 points l'année passée, puis je pense qu'il avait quasiment 39 buts. Je me souviens plus de son nom parce que j'ai de la misère à le prononcer. Puis ils ont échangé aussi un jeune prospect qui est quand même bien coté. Choix de première ronde, choix de quatrième ronde. Puis écoute, s'ils ont eu d'autres choses, là, je me souviens plus. Mais c'est quand même énorme parce que le gars, il a pas signé de prolongation de contrat. Puis Lidholm, ben, tu sais, c'était le meilleur centre disponible. C'était un gars qui jouait sa première ligne dans le temps avec Tkachuk et Goudreau. Il a perdu les deux. Il a commencé à perdre des plumes au niveau de la production. Puis là, il va jouer sa troisième ligne à Vancouver. Puis Vancouver, mais ils sont bien partis à la date. Là. Une renaissance pour Vancouver parce que tout le monde les voyait nulle part. Man, Vancouver, l'année passée, il était. Ça allait juste pas bien. C'était n'importe quoi. Plus, cette année, genre, ils sont comme deuxième dans la ligue. Puis écoute, eux autres, il y a une accusation d'intimidation, d'harcèlement psychologique. Émilie Gaston-Gay qui avait harcelé une femme. Puis, écoute, c'était du gros n'importe quoi, là. Sauf que là, cette année, tout va bien. Tous les joueurs qui faisaient de la merde cette année produisent. Puis, Elias Pettersson, d'après moi, il va signer son prolongation de contrat avec Vancouver. Puis, écoute. Son premier dans la ligue, c'est-tu? Ah, c'est quelque chose, pareil. Wow. Fou, man. Il y avait eux autres, Winnipeg, puis là, Winnipeg perd des plumes parce qu'ils ont perdu 5 games en ligne. Mais tu sais, c'est quand même une renaissance pour l'Ouest canadien, là, sauf pour les Flames. Puis Chris Edmonton, ils ont quoi? Ils ont eu 16 victoires en ligne. Ouais. Ils ont eu congé pour le match des étoiles, puis ils ont perdu. Leur séquence a pété. Là, ouais, c'est poche, par exemple, ça, c'est décevant. J'aurais aimé ça qu'ils égalisent ou qu'ils battent le record des Pingouins de 94-95 dans ce coin-là. Ah, je sais pas c'est quelle année. Non, c'était vieux, là, quand même. Là. Mais là, tu sais, Edmonton, écoute, je sais pas, tu sais. Chris, leur goaler scanner, ça va pas se rendre loin. Scanner. Il est senti pour être un des goalers d'équipe Canada, il doit être bon aussi. Tu sais qu'ils vont faire des petits viols. OK. Ça a comme nous a pris par surprise. Je voulais vous saisir pour la fin. On était comme la gueule à terre. Réussi. Réussi. Bon. Voilà, donc. Est-ce qu'on comprenait rien? Il est comme, es-tu sérieux qu'on lit ça? Hey, on finit ce deux extraits vidéo. J'étais comme regardé, genre. T'es comme. Incrédule. Ouais, comme. Hein? Ouais. As-tu dit ça? On parlait de Kucherov au match des étoiles. Ah, oh, ben, con! Ouais, j'ai même mis le son pour l'entendre, le huage de la foule. Est-ce que tu manges marde que le cœur qui traîne dans le. Comment du cœur qui traîne dans la marde? Est-ce que tu manges de batte de beau trou de cul, man? Ça a tu devrais avoir une pénalité financière pour être aussi de la marde, pour vrai. Je sais pas, tu es suspendu un match. On va entendre le monde huer, genre, à la fin, là. Je pense qu'il a même vu les bras à la fin. Ah, il était pas. Est-ce que je l'ai eu, ouais. Which has rarely happened this year because they're the league leaders on the power play. Il a salué la foule, ouais. But, ah, écoute les huées, comment ça monte. Miller, it's not his event. Getting the gears from the crowd a little bit too. Montréal. You think of the. Oui, on a aussi. Ah ouais, c'est le nouveau. Competition that what was not acceptable. Pour vrai, t'es un hostie de manger de merde d'aller au match des étoiles. Le monde paye une fortune, puis genre, tu joues de même. Ça me fait penser à une anecdote de match des étoiles. Ben, premièrement, c'est un hostie beau trou de cul. Ah, c'est un épais, ça. Dans le livre de Pierre Gervais, là, il parlait des matchs des étoiles à Montréal, parce qu'en 93, il y a eu un match des étoiles à Montréal. Puis Ed Belfour, mais pendant toute la fin de semaine, était chaud. Il a goalé chaud. Ah, mais ça, ça peut être drôle. Mais c'est Comme... Delphore, je suis pas surpris. Là. Mais c'est un gros alcoolique. Le genre de gars qui se lâche le monde avec son bâton en débile, genre un coup de hache. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que tu te forces pas. J'aime mieux voir Delphore chaud que de voir Kucherov pas se forcer. Ouais, parce qu'au moins, il souriait. Puis il avait sûrement du fun, puis il devait sûrement se pitcher d'un bord puis de l'autre. Ben oui. Mais parce que c'est à Montréal. Parce que ses danseurs, c'est l'autre bord de la rue. C'est genre un arrêt, un petit danger. J'espère qu'un gars qui a dit à Kucherov, what the fuck? Tu sais. C'est comme, hey, tabarnak, man. Nous autres, tous nos coéquipiers sont dans le sud avec leur blonde. Puis nous autres, on est ici pour faire plaisir à nos participants. Puis toi, tu joues comme un truc. C'est ça pour. Ben, la preuve que ce gars-là joue pour lui. Là. Il joue pas pour. Il s'en calisse des femmes. Là. Non, il est là pour faire son argent. Il est là pour faire son cash. Puis il est en BDN. Sérieux, là, tu sais. En tout cas. C'est le genre de joueur que je respecte. Il a même traité le monde de Montréal de naïf parce que nous autres, on fêtait vu qu'on avait gagné contre Vegas. Hey, fuck you, man. Puis, je voulais juste faire une parenthèse pour moi parce que j'ai oublié de dire le commentaire du propriétaire qui est Michael Outlaw. Lui, dans le fond, tu sais, c'est un ancien actionnaire du Canadien de Montréal. Il a pris ses actions, il a acheté Sénateur avec l'argent complet. Puis, il avait dit que, tu sais, dans le fond, ils ont demandé, il dit, qu'est-ce que tu penses de Roy? Pourquoi tu ne l'as pas pris? Ah, c'est parce que nous autres, on n'était pas prêts dans notre cheminement. On voulait rencontrer Roy cet été. On voulait voir ce que Jacques pouvait faire avec le club. Mais là, quand j'ai vu qu'il était engagé, on regrette. Moi, si je serais partisan des Sénateurs d'Ottawa, là, ça ferait longtemps que j'aurais crissé le feu dans Baptiste. Faut-tu être... Imagine-tu si ça serait arrivé à Montréal? Mais on l'a souvent pas pris, Roy. Non, parce qu'on a trouvé du monde plus compétent. Mais ben, à Ottawa, il n'y en a pas. En fait, ça veut dire, on a pris Martin Saint-Louis à la place de Roy. Puis on est-tu content? Je ne chialerai pas contre Martin Saint-Louis, mais est-ce qu'on peut dire... Oh, de tout doute que Martin Saint-Louis est plus compétent que Roy. Mais je pense que c'est plus une question de plus Roy avait plus d'expérience de coaching que Saint-Louis. Oui, là. Oui mais c'est Saint-Louis, il avait coaché dans le junior, dans le Pee-Wee. C'est ça. Hein. Puis Jeff Gorton puis Kent Hughes, il y avait déjà des affinités avec Saint-Louis. Mais je chiale pas contre Saint-Louis. Là, je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux dire, on peut pas dire qu'il y a plus de compétences que Roy. Il n'y en a pas plus, il y en a probablement même moins, en fait. Non, il y a moins d'expérience. Mais le fit, je suis d'accord. Le fit est là. Le livre de Pierre Gervais, c'est ça un chapitre, ça? Moi, je vais le faire, Audible Young de moi. Ouais, mais j'ai les deux livres signés. Pour vrai, je vais le faire. Je vais aller un chapitre par épisode, genre comme ben straight. Ah non, écoute. Pendant l'été, moi, tout lire ça pour les fans. L'histoire de Yannick Ninima, c'est malade. En fait, faudrait faire ça. Tu viendras, là, moi, le lire, puis tu commenteras sur ce que je lis. Ah ouais, mais tu sais, juste parce qu'on parlait de pénis tantôt, là. Yannick Ninima, là, à un moment donné, là, il est arrivé à l'hôtel à l'étranger, là, puis il y avait les culottes à terre, man. Il est arrivé la graine à l'air, puis il s'est piégé avec le pogné, puis il s'est pogné avec Ninima. Il était chaud, reine. La graine à l'air. Puis Pierre Gervais, il l'a engueulé. Dans le chat, on dit Ninima contre Ribeiro. Ben oui, parce que Ribeiro, il y avait des distractions dans la chambre, puis Guéné l'a échangé pour Ninima. Puis comme Pierre, il dit dans son livre, il dit « J'en reviens pas qu'on a... » On disait que mec Ribeiro a des problèmes à l'extérieur de la glace. Ninima, c'était 20 fois pire. Puis écoute, il y a des bonnes affaires sur Pacioretty, à quel point c'est un trou de cul. Scott Gomez qui découpait les signes du Canada, puis qui sont poubelles. Hein? C'est le livre de qui, ça? Pierre Gervais. Mais pour vrai, je vais faire une lecture. Confessions de la chambre. Je vais l'écouter. En arrière pendant que je suis là. Puis... Ah non, c'est débile. Là, puis ce soir, en petit bonhomme, puis moi, vous l'avez comme une histoire. Les là. Rideaux du bureau à Michel Therrien sentaient tellement assis. Ah, juste pour ça. Il a fallu que change tout pour faire, pour que Claude Julien puisse s'installer. c'est incroyable. Tabac. Mais puis il y a des histoires de pêche avec Marc Bergevin qui est allé magasiner au sale au 10-30. Il y a beaucoup de belles histoires. Ouais, il y a tout c'est ça. Bon, c'est Marc Bergevin, il a dit achète-toi un manteau d'hiver en plein mois de juillet. Puis Marc, il a dit ben voyons, non, c'est... Je te dis, puis finalement, il l'a acheté, puis il grelottait pareil quand il est allé loin. Puis avec des belles histoires avec Joey Juno aussi. Joey Juno. C'est son grand chum. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Il parlait du cancer à Caillou aussi. Es-tu commandité par Gervais? Non, mais on veut son livre. Il fait des belles histoires. On aimerait savoir son livre. Ah, écoute, son je l'ai lu le soir, là, puis c'est vraiment intéressant. Puis là, le deuxième livre, c'est plus du côté technique. Il parle, dans le fond, des technologies sur l'équipement des joueurs, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que là, les joueurs, ils ont fait des modifications à complexe CN, c'est plus le complexe Bell, c'est fini. Ouais, c'est rendu le train. Le train. Puis là, ils ont rétréci les bureaux des gérants d'équipement pour faire place à une cuisine. Ils ont engagé un cuisinier, un chef. Pour faire de la bouffe aux joueurs. La là. Bouffe santé pour Matheson. Ouais, c'est ça. Fait des carottes en julienne. Des salades de citron. Tout est surveillé. Les gars ont des plats faits pour déjeuner, dîner. Tout est réglé. Puis ils surveillent tout au gramme près ce que les joueurs mangent. Ils calculent leur macro puis tout. Ah non, c'est incroyable. Puis écoute, Yvon Lambert, aujourd'hui, ça ne virera pas longtemps. Là, on demande si le deuxième livre de Pierre Gervais est sorti. Ouais, je pense que oui. Ben oui, je l'ai, il est signé aussi. Bon. Puis Yvon Lambert. Tu as acheté un char? Non, non, non, mais Yvon Lambert, Chris, lui, je pense que dans sa carrière, il a compté un but en prolongation, puis aujourd'hui, encore en 2024, il fête encore. Il s'est à même bras depuis ça, je dois admettre que c'est une joke de mon nettoyeur qui m'a dit un matin, il était bon, il dit ça avec la main de même. Chris, on rit d'un gars qui a le Parkinson. Non, il est fin, c'est un gros fan de baseball. C'est un gros fan de baseball. Il est fin, mon gars de hockey, c'est un fan de baseball. Ah ouais. Okay. Fait que, mon nettoyeur, c'est ça, fan de hockey, c'est un Monseigneur, ça va venir. Ouais, va venir. C'est le call-out qui s'en vient de Jeff Mallette ça, après le podcast de JT Utah et de Max Roman. Mais il reste une vidéo. Et cœur sensible, regardez pas. On va vous montrer en répétition plusieurs fois la blessure de Sergachev. Ah, oh, nice! Pas de son, par exemple, là, mais je veux qu'on apprécie le... Le pliage dans le mauvais sens de la jambe et du pied. C'est là, pas qui... les deux jambes qui ont mal plié. Non, non, mais il y en a une, c'est celle à gauche ici, ouais. Là, qui est, tu vois, qui tombe. Puis elle revient full rubber. Le ACL a fait. Son ACL a fait. Non, c'était assez, moi je m'en vais. Attends un peu, GF. Ouais. Tu veux qu'on revienne à toi? Ouais, je veux qu'on revienne à moi, un petit peu. Vas-y, mets ça dehors. C'est quoi, t'as amené un bonhomme à porte à modeler pour montrer. T'as fait ce que j'ai demandé. J'ai amené une carotte, on va faire le son. Ok, t'as un peu. Fait que Mallette, OK. Attends, mais là, va devant la cam. Attends, on montre la vidéo, dans le fond. Fait que là, sa jambe, elle a fait ça. Ouais. Attends, on l'a essayé. Fait que là, c'est... C'est le son du... Ça coûte cher. Tout le budget passe dans les carottes. Ouais, j'avoue, c'est un peu comme Alou, là. C'est intense, avec. Dans comme Alou du... Oh, man, ça. Alou, ça. C'était des carottes, là. Puis, peut-être un peu moche. C'était de valeur parce que Sergachev, il avait manqué... C'était son premier match de retour. Il avait manqué 17 games. Chris. Ouais, il est pas content. Il a fait un pause pour dire « Pourquoi encore moi? » Ouais. Fait que là, tu sais, de tout cas avec toi, là, mais... Puis Tampa Bay, leur fenêtre est après fermée tranquillement pas vite parce que... Leur joueur vieillisse. Stamkos est rendu agent libre cette année. On ne sait pas s'il va signer parce que Julien a dit, je l'ai dit en début de saison, on va attendre à la fin de l'été avant de te signer. T'sais, il a pas y promettre un contrat tout de suite. Ouais, le gars, c'est ton capitaine. Tu as gagné la coupe deux fois avec ce gars-là, sans partisans dans les estrades, dans un dôme. Puis là, tu as Kucherov qui vieillit, tu as Brandon Point qui vieillit, tu as Stamkos qui est rendu vieux. Tampa Bay, là, ils ont perdu Sergachev, qui est leur deuxième meilleur défenseur. Ouais, c'est ça. Les rumeurs ça disent peut-être que Servet pourrait aller là. Puis on se souvient très bien que Julien, que selon plusieurs personnes, ce gars-là, c'est un génie comme DG. Écoute, l'année passée, tu as cherché un. Qui, toi, là? Je pointe les partisans. Toute la foule, les quatre auditeurs. Monsieur Monseigneur, Julien a échangé un choix de première ronde, deuxième ronde et troisième ronde pour un gars de quatrième trio. Puis Julien, ils disent que c'est un génie des caps salariales. Julien. Ben oui, Chris, c'est sûr, je l'ai. Ils sont comme dans l'armée, ils ont tous les cheveux rasés. Ils ont obligé de mettre pas de chaîne, mais chose là, Chris. Ils n'ont pas tous les cheveux rasés. D'Arche, il a coupé ses cheveux comme Julien. Mais les joueurs? Non, les DG. Juste. Okay. Parce qu'il fait chaud, t'aimes pas. Fait que là, il a échangé trois choix, 1, 2, 3 pour un gars de quatrième trio pour avoir de la profondeur dans le club. Parce que vu que tout l'argent est sur leurs meilleurs joueurs. Ils n'ont plus de profondeur, mais vu qu'ils ont besoin de joueurs de profondeur, ils échangent tous leurs choix pour aller chercher un gars qui n'aura aucun impact du tout en série. C'est ce qui est arrivé l'année passée, on se le rappelle. Toronto, Chris. Toronto. Ça faisait depuis 2003 qu'ils n'ont pas gagné une ronde, puis ils ont gagné contre Tampa Bay, tabarnak. J'étais content un peu, puis un peu en Chris en même temps. Là. Et puis là, cette année... Ouais, ça, c'est comme mi-figue, mi-raisin. Hein? Genre, quand, exactement ça. Ça serait le titre de mon livre. Tu sais, Toronto a battu Tampa, t'es comme pas tant content. Ça serait le titre de ton livre. Ça aurait été l'inverse que t'aurais été à peu près la même réaction. Là, ben, c'est ça. Puis quand la Floride les a vraiment exterminés, ben là, ma joie est revenue. Ah, ton livre, anyway, ça serait manger trop de fraises avant de se coucher. C'est intense parce que vraiment, je te dis, prenez pas trop de magnésium parce que, écoute, c'est fou là, les affaires gastriques que ça fait, cette affaire-là. Ben oui, on donne, toi, Sty. Manger les batteries. C'est écrit dans le pot en plus. Faites attention si vous avez des problèmes gastriques, prenez-en plus. Puis Chris, j'en prenais pareil parce que je pensais pas que c'était ça. Hein? Des fraises? Non, ça, c'est une autre fois. Okay. Non, à un moment donné, j'ai mangé beaucoup de fraises, puis je pensais que je faisais une crise de cœur. C'est pour ça que je l'ai ramené, parce que j'avais trouvé tellement drôle, celle-là. Là. Ouais. Je pensais que j'avais une crise de cœur, mais j'avais trop mangé de fraises de me coucher, des palpitations. Je pense que c'est quelqu'un des commentaires qui avait dit que oui, ça se peut si tu manges trop de fraises. Je pense que c'est moi qui m'a dit ça. C'est toi qui m'as dit ça? Je pense que oui. Écoute, j'écoutais Avengers 1, c'était pendant la guerre à New York. Puis, calisse que je filais pas, man. Je pète, tripais, ben, reste, j'étais tout seul chez nous, mon chien. La santé fragile, on dit, ouais, ben, c'est la quarantaine. Ah, c'est ça. Puis, fait que là, Brisebois, il n'y a plus de choix au repêchage. Ils sont dans la marne. Ils veulent faire une ronde en série. Il y a des rumeurs qui parlent de David Savard. Mais le problème, c'est que je pense que le seul choix de première ronde qu'il aurait, c'est celui en 2027. Fait que, on va voir ce qu'on pense avec Tom Tobé. Quoi? Micro-dose de fraises. Il dit faire des micro-doses de fraises à la place. Ah, j'aime ça, Monseigneur Gervais. C'est que c'est Monseigneur Gervais. C'est ça? Non, c'est Neveu. C'est Alex Neveu de. Ah, OK. Mais pourquoi vous avez dit Monseigneur tantôt? Parce que c'est écrit M-G-R. Parce qu'à Rétro Nouveau, on l'appelle Monseigneur Neveu parce que c'est le dieu des chips qui nous livre nos Doritos. Ah, okay, okay. Donc, oh, wow. Hey, félicitations. voilà, ça fait le tour du podcast. T'avais-tu un call-out aujourd'hui, GF? Ben oui. OK, ben d'abord, on va mettre la musique du call-out. T'as pas ton doigt. Voyons. C'est-tu? Non, il est encore dans les boîtes. Pourquoi la musique du corps? J'ai déménagé. Ah, OK. Il y a eu un lag, excusez. J'ai manqué de salé. Ça fait longtemps que t'as déménagé ou? J'imagine, le mois de juin n'est pas passé. OK. J'ai juste bien des boîtes de DVD. Ben content. Ça, c'est la preuve que tu crées dans les boîtes. Ah, j'étais tanné, aussi. Fait que là, je suis le point de le faire au printemps. Là, moi, j'ai encore moi, j'habite, ça fait, depuis 2013, j'habite dans ma maison. J'ai encore des boîtes. Ça veut dire qu'il faut que j'ai collé, okay. C'est évident. Ouais, rien de bon là-dedans. Rien de bon. Rien de bon. Mets la caméra sur bon. Jeff. Jeff a un quart d'affaire. Let's go, manette. The Rock. Non, c'est pas vrai. Je me trompe d'émission. Slap la caméra. J'aimerais rien prendre le temps de parler des médias. Je nommerai pas de nom, mais tu as des journalistes qui sont payés très cher, dont un qui a perdu sa job avec Apple TV parce qu'il a dit de la merde sur des mafieux qui vendaient du fromage. Qui suggérait que Montréal aille chercher Lafrenière pour Moynihan. Quand t'es journaliste, t'es pas supposé dire des choses stupides. T'es supposé de dire des choses qui ont du sens pour informer le public. Quand tu dis de la merde de même, tu es la raison pourquoi que les médias sont en faillite. Non seulement on coupe des postes dans tous les médias, télévision, mais on en coupe aussi à la radio. Toi, tu te dis victime, mais quand je te lis, je me dis, tu n'es pas une victime. T'es juste épais. Puis là, je voulais juste faire un callback, entre autres, parce que là, on est dans un podcast, mais t'as des gens, esti, dont on n'a pas entendu parler depuis quoi? 5, 6, 7 ans, là? À peu près. Les côtes ça se passe des podcasts, esti, avec des revenants qui font juste donner des scoops sur des joueurs du Canadien qui apparemment font de la poudre. Hey, écoute-moi bien, là. T'es en retard en esti sur tes nouvelles. T'as été vendu par VRAC ou V ou peu VRAC. Importe comment ça s'appelle, là, le poste que personne n'écoute. Moi, j'appelle ça TQS. Pour t'enterrer, man, tu n'as plus d'affaires dans les podcasts. T'es un fini. Tu te promènes avec un menton fourreux. Tu devrais te faire pitcher du sang dessus. Ferme ta calisse de gueule. Puis votre premier invité, c'est Denis Lévesque, tabarnak. T'as-tu déjà entendu chanter, ce gars-là, calisse? Est-ce qu'il est vite, se met à craquer tellement qu'il est imbécile? L'affaire que je comprends pas, c'est que t'es marié, tabarnak, avec une mannequin. Mais d'après moi, c'est à cause que le gars, il a un esti de gros compte de banque. Qu'est-ce que vous faites à partir d'un podcast? Puis l'autre, esti qui se prend pour un chanteur de sans pression. D'après moi, tu devrais checker ton pouls, esti. Tu chantes comme le cul. Tu prends des beats de rap des années 90-2000. Puis quand tu chantes, tu mets des poste à radio, mais tabarnak, man, tu chantes mal, t'es maigre, tu devrais manger plus de pain, esti, au Tim Hortons, puis peut-être goûter aux petites rondelles d'œufs avec du bacon puis des épinards pour prendre de la protéine le soir. T'as l'air malade, man, t'es-tu le kiro, esti? Là, ça n'a pas aucun calice de sens. Puis non seulement ça, les vrais gars originaux de podcast, c'est la soirée du podcast avec JF Cromp, David Thibodeau, Alex Thibodeau, Martin, esti... des Thibodeaux de la gang. Me suis trompé. Vous connaissez mon point. The original du podcast où ce qu'on dit les vraies affaires. Le thème, c'est on parle de sport avec passion et boisson. C'est nous autres, Asti. Et carottes. Tous ceux qui ont essayé de partir un podcast en s'inspirant de nous autres parce qu'ils pensaient donner du meilleur contenu. Tabarnak, les gars. Là. C'est pas parce que vous faites un podcast sur Zoom, Asti, que vous êtes nécessairement bon. Là. Quand t'as 10 auditeurs, puis les 9 auditeurs, c'est des Chinois, puis ta grand-mère, là, ton contenu, il est à chier, calice. C'est pour ça que t'en fais plus. Puis non seulement ça, tu décides de te partir des blogs abs, je sais pas quoi. Mais tabarnak, je lis tes textes, puis c'est bourré de fautes, calice. T'as-tu déjà entendu parler de l'affaire avec la potion magique qui corrige les fautes? Abonne-toi, man. Abonne-toi. Parce que ça, ça va t'aider à écrire des bons textes. Puis non seulement ça, mais tes autres clickbacks avec tes annonces de Ford F-150, là, on s'en calice. On clique plus là-dessus. Non seulement nous autres, nous autres, là, on se respecte. Mais aussi, quand on décide de boire de la bière, là, on commence pas à pogner à la graine des animateurs restis puis commencer à leur chier dans les oreilles. Les affaires d'intimidation là, à l'âge de 16 ans dans le junior où ça se crissait des bâtons dans le cul, là, on n'est pas de même, nous autres. Si vous autres voulez le faire puis vendre votre podcast 10 millions à quelqu'un d'autre qui parle juste anglais, là, mais on s'en calisse, man. Les affaires de pognage de pénis aux gars qui sont véganes, là, c'est non, restis. On ne fait pas ça. Vous êtes chanceux à tabarnak d'avoir un job, mais à un moment donné, vous allez la perdre votre job parce que comme j'ai dit au début, les médias sont en faillite. Ils ont payé 12 milliards ou je sais pas combien pour avoir des gains du Canadien. Ils font pas ici. Ils font pas ici, man. Pourquoi ils font pas ici? Parce que ils sont pas assez bons. Puis là, ils sont en reconstruction. Vous êtes dans la merde. Vous voulez qu'ils signent toutes les calices de vétérans. Ça porte des bas de Brady Kachuk pendant les événements le samedi soir. Là, tabarnak, là, ça va faire. On est en reconstruction. Il y a trop de monde qui parle de la même affaire. Calmez-vous, Colis. Faudrait parler un peu plus du hockey féminin, parce que là, s'ils commencent à gagner des games, c'est le fun. Fait que parlez donc de ça au lieu de parler tout le temps du Canadien, puis à toutes les autres semaines. Motambo-ci, Motambo-ça, Suzuki mange des légumes, il est fin, esti, il va-tu avoir des enfants un jour? Caulfield, il est petit, il sourit, il mange des hamburgers, Caulfield. Tabarnak! C'est Canadien 24 heures sur 24. Ceux qui veulent avoir des informations sur le Canadien de Montréal, c'est LSDP. Et non, toute la stigmante qui reste. Nous autres, c'est pour le divertissement. On parle avec notre cœur. On n'est pas payé pour le faire, malheureusement, mais on aime ça, faire ça. Tandis que tous vous autres, vous êtes tous payés, tabarnak, vous êtes tous des croches, calices, puis que ça se passe bad. Puis non seulement ça, mais dans vos jeunes temps, vous passiez votre temps au Radio Lounge. Puis quand la barmaid vous disait, quand tu vas jouer sur le premier trio, tu pourras peut-être venir me voir pour me demander un verre, là, mais je vais accepter. Mais non, tabarnak, toi, ta femme est enceinte en plus, tu vas avoir un char familial, tu demandes pour un deux portes testi, puis que t'as même de la misère à rentrer une boîte du Costco dans la place d'en arrière. Faut-tu être cave, calice? Non seulement ça, là, mais tabarnak, les gars. Oui, c'est le fun de parler de brosse puis tout ça avec les histoires que vous aviez eues, là, mais aujourd'hui, on est en 2024. Faut faire attention à ce qu'on dit. Faut faire très attention. Alors, aujourd'hui, je suis un membre d'LSDP, puis on va être là tant aussi longtemps que les gens veulent nous écouter. Fait qu'allez tout chier, mes hosties. Mais les fans, je vous aime tous. On fait ça pour vous autres. Ouais, puis la... on cherche des commandites, tout le monde. Puis ouais. La masculinité toxique ici, c'est pour le fun. Ouais. Les pénis, ouais. On le fait hors ligne, pas en direct à TV, puis on se fait pas filmer par le monde, puis que ça se retrouve sur Internet après. Là. On est à de boire, ça. Sauf quand il y a du Jameson. À part ça, on est quatre de boire. Qu'est-ce que avec le Jameson, on était capable de boire? Ben moi pis toi, là, on t'a pas si fait à la fin. On va retourner chez nous. Jeff, bon, il m'a ramené, mais... Jeff, il bavait son chandail blanc. Ouais, là, non, mais sérieusement, boyez pas du Jameson quand il fait moins 20 dehors parce que ça vomit, ça gèle. Hein. Buvez pas une bouteille de Jameson à 3 en 1 heure aussi, ça aide d'habitude. Là. Ça m'a pas aidé, voilà. ça fait 10 ans. Non, pas 10 ans, mais pas loin. T'es sûr de ça? Oh, peut-être. Arrêtez de parler des archives. Faut pas que le monde écoute ça. On va se faire canceller. On devrait les déliter. J'aurais dû les mettre genre non répertoriés. Il y a une couple d'affaires. Mike Ward, il dit qu'après 4 ans, genre, quand ça a plus que 4 ans, il efface. Lui, ça? Ouais. Parce qu'il dit comme ça, il dit si, mettons. Il n'y a rien qui se. Si, mettons, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à un moment où ce que c'était. C'était correct. Ça passait, puis aujourd'hui, ça passe plus. Ben, au moins, il se fera pas taper dessus parce qu'il a dit quelque chose, là, genre, 5 ans. De toute façon, tu sais, à part nous autres, qui réécoute ça des archives, des, genre, des shows 2013 du Canadien, là? J'espère à personne, s'il vous plaît, là. Donnez-nous pas des views pour ça. Juste le dernier épisode. C'est intime, nous autres. Puis oui, comme on dit, une fois aux 3 mois, on est là, live, pour donner des infos. Si vous voulez de l'info du Canadien, c'est aux 3 mois que. Non, mais Manette. Props, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un beau call-out de même. Il y avait de la passion là-dedans. Oui, passion et boisson. Il y avait de la passion, il y avait du feu, il y avait... Passion aussi, je pense. Il y avait sûrement. Il y avait tout. Ouais. Merci. Je suis bandé. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. même crossé. Non, il rentre tard, là. Chris, on a fait 2 ans, Micho. Bon, ben, c'est ça. T'as parlé à qui, 10h32? Oui. Ouais. On est tous bien excités. Est-ce qu'on est vieux? On va y se toucher. Ouais, on peut... mais séparément. Ah oui, c'est ça. Hein? Et pas, avec, pas avec consentement. Surtout, surtout. Oui, on demande la permission. Avant, on demande la permission. Je peux toucher ton pénis? Oui, OK. Hey, le pire, c'est que je suis sûr que tous les gars de Team Canada ont des astis de gros biceps. OK. Des gros biceps. J'ai eu peur. Fait que c'est, ça fait le tour du podcast. Il va rester... On est quoi? On est au février, là? Il va rester... Ça t'a pété, man. On est rendu là dans le show, hein? Il va rester 1 à 2 épisodes d'ici la fin de saison. Max 2, parce que si c'est mars-avril, en avril, c'est fini, parce qu'on ne fera pas les séries. Non, mais bon, non. Peut-être le repêchage. Ah, peut-être. Puis après peut-être. Ça, vous entendrez ma douce après voix, ça, vous lire le livre de Pierre Gervais mais pendant des semaines. Faire, on devrait se faire genre un épisode que tu lis ça, puis on fait juste comme réagir pendant que tu le lis. Ah, oh, ça pourrait se faire. Ça serait tellement passage vraiment croustillant. Ben oui, on pourrait faire ça avec des petits des signés. Là, puis, souligne-les. Ben non, mets des post-it. J'ai signé mon livre, man. C'est un livre de collection. Mathias, il l'a signé aussi. Mathias Brunet? Oui. Il a signé sa barbe? Non, avec un stylo Bic. C'est avec lui qui l'a de faire c'est lui la... qui l'a écrit? Faire la préface, j'imagine. C'est lui qui l'a écrit, puis c'est Pierre qui parle. Ah, c'est lui qui l'a écrit? Ah, ouais, okay. Lui qui l'a... Ouais, il l'a cité, puis l'autre l'a écrit. On t'avait de recevoir Pierre Gervais au podcast, là, rendu là. C'est... Ah, écoute, il, est... Et là, Diane il... Bibeau. Il a l'air d'un gars vraiment sharp. Je sais pas si on a assez d'auditoire pour inviter Pierre Gervais. On peut faker l'auditoire. Je peux finir là-dessus, là, mais tu sais, on pense que Jacques Martin, Jacques Demers, il était fin avec ses joueurs. Là. Ouais. Mais à un moment donné, il était en tabarnak asti contre Oleg Petrov. Oleg Petrov. Qui ça, Jacques Martin? Jacques Demers. Puis ça, c'était Jacques Demers. Et de mémoire, je pense que c'était pendant une séquence où ce que les Canadiens perdaient souvent. Je me suis plutôt c'était en série. Là, ça fait quand même un an que j'ai lu le livre. Puis Oleg Petrov, il était arrivé en retard à la pratique. Puis Jacques était en tabarnak. Fait qu'il a fait, il a pris tout son équipement puis il l'a crissé dans le spa. Fait que tout son équipement était mouillé. Il a pratiqué tout le tremble. Puis il a benché nice. Petrov. Tu sais que c'est... Hey, Jacques Demers, là, il est devant à faire des popées. C'est qui, c'est Gilbert... Delorme. Delorme? Roson? Non, Gilbert Delorme, c'est lui qui était... Ouais. On jase? C'est ça? Petrov, il habite pas au Québec. Il n'est pas dans les Québécois, il a dit, que ça a l'air que Jacques Demers, là, quand il voulait demander un deuxième temps d'arrêt, mais qu'il l'avait déjà utilisé, il pitchait du change au ref. il checkait dans ses poches, puis il pitchait des... C'est à la glace? Oui, il pitchait du change. Wow! Wow, mais Pierre Gervais, dans le fond, ce qu'il disait que Jacques aimait bien ça, lire son journal le matin. Le pire, c'est que c'est écrit dans le livre, puis il ne savait pas qu'il était analphabète, là. Mais tu sais, un gars qui sait pas lire, il est capable de lire des chiffres? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux avec des chiffres, là? Ben, mettons, j'ai regardé le classement pour savoir. Le classement, il savait pas que c'était écrit Canadien avec les chiffres à côté, là. Ben, j'avoue. À moins qu'il avait juste appris le nom des teams. Je sais pas, c'est triste. Pauvre genre. Il a gagné à la coupe, ce gars-là. Il disait certaines choses. Ouais, il devait avoir fonctionnel. Il devait avoir certaines choses. Il a gagné à la coupe. Puis aussi, non seulement ça, mais savez-vous, c'est qui le gars qui aurait, genre, qui a été l'effet domino de la soirée que Roy a été échangé? À part. Où ce que de la merde a commencé à commencer, puis que Tremblay commençait à shaker, puis étant en crise. T'as pas Tremblay? C'est Vincent Danfousse. T'as en retard à la game. Hein? À cause de Danfousse, Tremblay était en crise, puis à cause de ça, il a pété une coche après Roy. Il était stressé parce que lui, il savait qu'il allait affronter son ancien coach qui a abusé de lui psychologiquement dans les années 70. Puis c'était une game importante. Là. Il disait au gars, là, il faut gagner à soir. Puis dans le fond, c'est arrivé en retard. Il s'est pas réveillé après sa sieste. Fait qu'il est arrivé genre. Fait qu'il a benché Rouen après 11 buts. Ben, il est arrivé genre quasiment à la période de réchauffement. Fait qu'il était pas dans partout. C'était combien de buts? C'est genre 9 buts, je pense. 8-9 buts. Je pense que c'était 9 à 1 quand il a sorti Rouen. Les bras dans les airs. Écoute, il y en a broyé tant de petites boules dans son livre Le Guerrier. Dans le fond, il avait revenu d'avoir une date avec Julie Snyder. C'est-tu vrai, ça? Ouais. Ça a été confirmé par Julie Snyder, à un moment donné. Là, j'avais vu ça récemment. Ah, bon deux pubs de Dan Shoulders. Voilà. Asti Vincent. Asti. Cré Vincent. Calisse. Hein? Ouais. Dans la fosse. Quand il s'est fait échanger, il est sorti par la porte en arrière à l'anglaise. Asti. Il voulait pas faire face à la musique. Ben nous autres, on va faire face à la musique de l'outro. Ouais. Donc voilà. Tout est dans tout. Et sur ce beau lien fantastique, on se revoit pour un prochain épisode de la soirée du podcast. Bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine. Show bye!